Bonjour à toutes et tous, quel bonheur de vous reparler. Alors la saison 3 n'a pas encore débuté, mais pour ce gros best-of intitulé du rétro avant la rentrée spéciale Japon, et ben c'est l'occasion aussi d'enregistrer une petite intro et de pouvoir vous reparler directement. Vous le savez, la saison 3 ne va pas tarder à arriver, la saison 3 de la revue de presse JV, donc qui déboulera le 2 septembre. Ce sera le 2 septembre en ligne vers minuit, etc. Un petit peu comme les éditions quotidiennes pour les deux premières saisons, puisque vous le savez, si vous avez suivi un petit peu l'actu de l'émission, ben la revue de presse JV passe hebdomadaire pour X raisons. Je vais pas revenir dessus longuement, mais vous le savez, voilà, mon rythme de vie fait que je ne pouvais plus tenir ce rythme quotidien, justement. Donc la revue de presse JV devient hebdomadaire chaque lundi matin, et je vous dis, hein, vraiment même dans la nuit, hein, de dimanche à lundi, vous aurez une émission plus grosse, avec plus de contenu, qui sera donc encore plus travaillée, vu que j'aurai un peu plus de temps pour m'en occuper. Bref, l'émission sera encore meilleure. Donc j'espère que vous accueillerez cette saison 3 avec bonheur, joie de vivre et volupté, n'est-ce pas ? Pour le best-of là, qui nous intéresse, je rappelle brièvement que les revues de presse rétro étaient une des contreparties du Tipeee. Et donc, arrivé à un certain seuil, effectivement de 5 euros, vous aviez le droit à des revues de presse rétro. Le souci, je l'ai déjà expliqué, mais je préfère le rappeler maintenant pour les nouveaux auditeurs qui débarqueraient. Les revues de presse rétro, contrairement hein, à l'édition classique de la revue de presse JV qui n'a fait que monter en audience hein, depuis ces 2 ans, d'ailleurs je vous remercie encore grandement, hein, vraiment les chiffres sont très très bons. Les revues de presse rétro, vu qu'il fallait passer par un autre canal, c'était un peu plus laborieux. Bon, j'avais essayé de rendre ça le plus souple possible, mais c'était un peu compliqué. Ne marchaient pas très fort. Hein. Les revues de presse rétro ne marchaient pas très fort, alors qu'elles me demandaient, pardon, beaucoup de travail. Donc, avec les tipeurs, hein, avec les contributeurs, j'ai joué carte sur table, et ils ont accepté, hein, via consultation sur le Tipeee et sur le Discord de l'émission. Tous les liens, hein, sont dans la description. Ils ont accepté donc que je les rende... voilà, public, hein, sur le flux classique. Alors c'était déjà arrivé, hein, il était déjà arrivé de nombreuses fois hein, que les tipeurs offrent une revue de presse rétro que je mettais sur le flux habituel, mais là, pour ce gros best-of donc spécial Japon, qu'on va parler Bayonetta, Super Mario 64, Final Fantasy, Metal Gear Solid, Shadow of the Colossus, Resident Evil 2, la fête des consoles 32 bits au Tokyo Toy Show, hein, pas Tokyo Game Show, Tokyo Toy Show, vous verrez ça. On va parler aussi de Monsieur Koizumi, hein, le Monsieur Nintendo du moment, et vous apprendrez d'ailleurs qu'il était l'un des piliers hein, de la casa de Mario. Et on finira avec le contexte tragique et à la fois émouvant hein, dans lequel s'est déroulé le développement de Super Mario 3D Land. C'est un sujet que je vous avais déjà offert, hein, que les tipeurs vous avaient déjà offert sur le flux classique, mais celui-ci, je ne pouvais vraiment pas l'écarter de ce super best-of spécial Japon. Alors si j'ai le temps, normalement, il y a un deuxième best-of qui devrait arriver avant la rentrée, donc toujours courant août, avec pour sujet le girl power, mais on y reviendra. Donc voilà, les revues de presse rétro s'éteignent, une nouvelle contrepartie sur le Tipeee les remplace, et à partir donc de la rentrée, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant si vous suivez le compte Twitter, @revuedepresse.jv, tout collé, le Facebook, le Discord, etc. Je vous en parlerai, mais vous le savez déjà, si vous êtes un fidèle auditeur, la contrepartie qui va remplacer donc les revues de presse rétro, c'est la possibilité de participer directement au contenu éditorial de l'émission. Et ça, je pense que c'est sexy chouette, hein, si vous me permettez l'expression. Bref, il est temps d'attaquer avec tout. Ces sujets, j'espère que cela va vous plaire, parce qu'à vue de nez, il y a quand même 2h30, si je ne fais erreur, d'émission, donc ça fait quand même un bon gros condensé, donc j'espère que vous allez vous régaler, et on se retrouve de toute façon à la fin de ce gros best-of pour s'échanger quand même encore quelques mots. Allez, à tout à l'heure. J'ai jeté mon dévolu sur le tout premier Bayonetta du turbulent Hideki Kamiya. Car après là, l'annonce du troisième volet prévu sur Switch, ainsi que d'une compilation des deux premiers volets sur cette même machine, je me suis dit qu'il serait intéressant de replonger dans certaines déclarations du créateur japonais, actuellement co-président de Platinum Games, et puis voilà, de revenir un petit peu là-dessus. Je pense que ça peut être très sympathique. Et pour ce faire, j'ai jeté mon dévolu sur deux parutions. Le Edge de l'époque, donc le magazine Edge, un magazine anglais fort connu, n'est-ce pas ? Et un IG Mag. Alors, ceux qui me suivent hein, savent très bien que j'ai fait partie de la rédaction d'IG Mag, mais là, le but n'est pas de me faire mousser, puisque je ne vais pas du tout citer un article, une interview qui a été donc de ma plume, mais de celle d'un collègue. L'idée n'est pas de me mettre en avant, surtout que le magazine n'existe plus depuis belle lurette, comme vous le savez. Concernant Edge, peu de temps avant la sortie de Bayonetta, des propos d'Hideki Kamiya très intéressants avaient été relevés, notamment quand le célèbre magazine lui demande pourquoi il y a un mode Very Easy dans Bayonetta, puisque je le rappelle que Bayonetta, pourtant qui a une image hein, très hardcore, hein, à plusieurs niveaux de difficulté, dont un Very Easy. Et comme je vous le dis à chaque fois, je trouve que c'est une très bonne idée d'ouvrir la porte à tout le monde. Si seulement Cuphead aurait pu avoir un Very Easy, ça aurait été super. Enfin voilà, là c'est un autre débat. Donc à cette question hein, de Edge qui s'inquiète un petit peu sur le fait que le défi en soit complètement altéré, le créateur japonais répond que la difficulté de toute façon est généralement très élevée. C'est ce que cherchent les hardcore gamers. Et là, je fais encore une parenthèse, excusez-moi, mais me vient encore à l'esprit Beautiful Joe, une création antérieure hein, à Bayonetta, toujours de Hideki Kamiya, au sein du studio Clover, qui prenait un retour au jeu hardcore, au jeu pour hardcore gamer, à la difficulté bien corsée, et ce, bien avant un certain Dark Souls. Mais là, c'est un autre débat. Donc, Monsieur Kamiya enchaîne en disant... Mais de nos jours, donc là je rappelle que nous sommes en 2010, en 2009, donc il dit « De nos jours, il y a des utilisateurs qui, comme lorsqu'ils regardent un film, veulent juste s'asseoir devant un écran pour profiter du spectacle. Il y a tous ces combos qui font entièrement partie de l'expérience visuelle. Nous avons donc dû simplifier les choses. » Alors il précise quand même qu'une dose de stratégie est malgré tout nécessaire et ce, quel que soit le niveau de difficulté. Mais... Même votre grand-mère, hein, dit Monsieur Kamiya, peut jouer en Very Easy Automatic Mode. Il dit que dans l'absolu, on pourrait y jouer d'une seule main, et pourquoi pas manger du popcorn avec l'autre. Et là, j'aime beaucoup cette philosophie de Kamiya, et je pense aussi qu'il touche Platinum Games, parce que vous allez dire que je remets encore une couche avec Nier Automata, mais si vous regardez Nier Automata, qui est un jeu quand même très exigeant, quand même dans son gameplay, il y a un mode automatique, un mode Very Easy, où vous pouvez vraiment traverser le jeu juste en vous éclatant et en voulant voir ce qui se passe au niveau du scénario. Mais la partie action n'en demeure pas importante, mais elle est juste pour le fun, quoi. Pas besoin d'être technique. Vous déforaillez tout ce qui bouge, vous shootez avec votre pod et vous donnez des coups d'épée. D'ailleurs, ce mélange shoot them up et beat them up est vraiment hyper grisant. Et sans avoir une technique ou sans être un core gamer de malade mental, et ben vous pouvez complètement profiter de l'expérience. Et ben je trouve que c'est très très bien. Et celui qui veut vraiment pousser l'expérience en mode hard ou en mode normal, et ben il peut le faire tout à fait. Et j'aime ce côté, on vous laisse le choix voilà, du niveau de difficulté. Comme ça, tout le monde s'y retrouve, personne ne se retrouve sur le bord de la route. Alors ce même article hein, dans Edge demande à Kamiya ce qu'il pense au niveau de la violence. Hein, parce que c'est vrai qu'au-delà de son côté hyper sexy, hein, à la limite, j'allais dire de l'érotisme, mais on est même parfois carrément dedans, de Bayonetta, c'est vrai que c'est un jeu aussi extrêmement violent, mais c'est une sorte de violence complètement, je dirais, grand guignolesque, hein, très caricaturale. Mais bref, en tout cas, on lui pose la question et il répond qu'au sujet de la violence, nous réfléchissons donc au sein de Platinum Games toujours à ce que veulent réellement les joueurs, plutôt que de pousser cette violence à l'extrême. Nous ne voulons pas rendre les gens malades, mais cherchons plutôt à ce qu'ils prennent plaisir à tuer un ennemi, ce qui n'est pas acceptable dans un pays et les tailleurs n'est du coup plus un facteur qui compte. Kamiya évoque aussi, prône carrément une certaine vision du combat hein, qui règne au sein du studio. Alors le magazine britannique lui demande aussi que... lui demande également... ce qu'il pense en fait des studios japonais qui essayent de faire du jeu occidental, car je vous rappelle qu'on est en pleine période où le jeu japonais commençait vraiment à se perdre et essayait de singer vraiment ce qui se faisait en Occident, très souvent pour le pire, hein, hélas. Heureusement, cette période est derrière nous, mais quand on lui demande ce qu'il pense de tout ça, il répond que chez Platinum, en fait, ils ne sont pas du genre à répondre aux attentes des gens du marketing. Et ça, c'est vrai que, bon, sur certains jeux, on l'a bien vu. Il dit « Je fais les jeux auxquels je veux jouer et auxquels je crois que les autres voudront jouer. Et d'ailleurs, j'ai fait des titres comme Beautiful Joe ou Okami, d'ailleurs, hein, ça rejoint aussi une certaine actu, qui n'ont pas vraiment atteint leur objectif de vente. Ok, je suis peut-être sous pression, mais en tant que créateur de jeu, c'est important de faire ce qui vous semble bien. Et souvenez-vous, il s'agit de l'équipe derrière le tout premier Devil May Cry qui a été la première à créer cette attente. » Et donc, je bondis d'appât aérien et svelte sur le IG Mag numéro 6 hein, qui couvrait les mois de janvier et février 2010, car mon ex-collègue Nicolas Gavet avait interviewé Hideki Kamiya et lui avait posé des bonnes questions. Très bien, Nicolas. Et Hideki Kamiya avait aussi été assez généreux dans ses réponses. Alors, je ne vais pas vous redonner toute l'interview parce que c'est extrêmement long, mais je vais vous en citer quelques passages qui me paraissent tout à fait pertinents et surtout totalement en adéquation avec l'actu de Bayonetta qu'il y a en ce moment. Et donc, Nicolas lui demande comment l'idée de développer un jeu comme Bayonetta vous est-elle venue ? Hideki Kamiya répond... Quand nous avons lancé la première fois notre nouveau studio de développement, Platinum Games, nous nous demandions quel genre de jeu nous pourrions produire. Au début, nous pensions vraiment réaliser des jeux grand public, faciles d'accès, pour tous ceux qui ne sont pas habitués aux jeux vidéo. Mais un jour, le producteur de Bayonetta, qui n'était d'ailleurs pas producteur du jeu à ce moment-là, est venu me voir pour me dire « Kamiya-san, j'ai vraiment envie que tu te lances à nouveau dans la réalisation d'un jeu d'action en 3D. » Et donc Kamiya nous dit « J'ai trouvé que l'idée était intéressante, mais pour tout vous dire, j'ai été franchement très surpris d'entendre Hashimoto-san me faire une telle proposition. » Après mieux réflexion, je me suis dit qu'après tout, chez Platinum Games, nous avions une équipe déjà bien rodée aux jeux d'action en 3D grâce au précédent jeu. Voilà comment est né le projet Bayonetta. Et quand on lui demande pourquoi ce nom Bayonetta, car ça sonne très français, Kamiya confirme hein, que cela vient du mot bayonnette, cette fameuse lame qu'on fixe au bout d'un fusil. Il trouve, alors Kamiya nous dit, hein, je trouve que cette image de combat rapproché et d'armes à feu sied parfaitement au jeu. Il nous a suffi de déformer un peu le mot, de lui accorder un côté féminin plus prononcé et de donner ce nom au personnage principal, Bayonetta. De fil en aiguille, Bayonetta est également devenu le nom du jeu. Pour vous dire la vérité, le nom Bayonetta était initialement celui du projet sur lequel nous travaillions auparavant et il ne devait pas être le nom définitif. Je voulais dire à mon équipe que nous bossions sur un jeu d'action qui proposerait des choses nouvelles, un titre très nerveux et techniquement très avancé. Voilà pourquoi j'ai choisi à l'époque un nom avec un seul mot, un titre très court qui claque comme le bruit d'un fouet. Entre nous, le mot Bayonetta n'est pas tellement évocateur et je pensais sincèrement en changer une fois le jeu terminé. Cependant, au cours du développement, l'équipe se faisait ce nom en consonance française et nous avons fini par l'adopter. Enfin, j'aimerais parmi toutes ces questions évoquer, pour terminer cette nouvelle petite rubrique, la réponse de Hideki Kamiya quand on lui demande « Dites-nous franchement quelles sont les vraies raisons qui vous ont poussé à choisir un personnage féminin ?» Kamiya dit que ça a été décidé dès le début. « C'est clair pour moi dès que la première idée du jeu m'est venue. J'ai déjà dessiné des personnages masculins dans mes jeux comme Léon, Dante ou Joe. Ce sont des types vraiment cool. Mais pour moi, ils appartiennent à mon travail passé, à une époque de ma vie qui est maintenant révolue. Voilà pourquoi l'idée d'un personnage féminin m'est venue tout naturellement. » Le changement, certainement. Dans les jeux d'action, je pense qu'il faut donner au personnage principal de l'histoire une certaine philosophie, une manière de se battre. Je l'ai déjà dit, mais il ne s'agit pas seulement pour lui d'affronter des ennemis. Par exemple, dans mes précédents jeux, Dante est un type très dur. Il se bat fièrement, et dans une certaine mesure, il le fait comme le fera un mannequin de mode, de manière très posée et classieuse. De son côté, Joe est un adolescent. Il agit donc en conséquence de manière désordonnée et un peu folle. Pour mon nouveau jeu d'action, j'ai souhaité faire de mon héros un personnage féminin, un modèle de beauté, et offrir aux joueurs des combats élégant. Bayonetta est né de cette manière. De plus, il y a un certain décalage entre jolie fille et action soutenue qui me plaît beaucoup. C'est ce décalage que j'ai trouvé passionnant à mettre en scène. Quand nous avons travaillé la motion capture, nous n'avons pas seulement capturé les mouvements de danseuses et de gymnastes professionnels, mais aussi capté quelques mouvements d'hommes. Le tout mélangé donne le personnage de Bayonetta. Elle se déhanche comme Marilyn Monroe, l'icône de lock-up et la marque d'un baiser plein de rouge à lèvres. Des ailes de papillon apparaissent quand elle utilise le double saut et elle rougit lorsqu'elle se fait attaquer. Bref, elle a tout d'une fille. Impossible de retrouver cela avec un personnage masculin. En outre, nous aurions pu coller à Bayonetta un style de musique identique à ce qui se fait actuellement dans les jeux d'action, c'est-à-dire des musiques aux sonorités très hard rock, très dures et hyper rythmées. C'est très populaire. Mais puisque nous utilisons un personnage féminin, nous avons imaginé autre chose. Des bruitages en conséquence. Au final, le choix d'un arrangement très jazzy des musiques s'est imposé comme de lui-même. Fermez vos yeux et laissez-vous entraîner par la bande-son. J'espère que vous serez emporté par l'image d'une jeune femme qui élimine ses adversaires avec grâce. J'avais envie, voilà, j'avais vraiment envie de vous rapporter ces propos d'Hideki Kamiya, hein, vu que ces derniers temps, il est plus connu pour ses propos un petit peu borderline, hein, sur Twitter notamment, où il envoie un peu caguer tout le monde, même certains qui ne sont pas forcément désagréables avec lui. J'aimerais terminer cette nouvelle petite rubrique justement en raccrochant les wagons avec, avec cette année. Car rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais très récemment, c'était fin novembre, hein, si je ne fais erreur, Hideki Kamiya avait déclaré qu'il aimerait travailler sur des remakes de Devil May Cry, de Beautiful Joe, ainsi que sur une véritable suite à Okami, et qu'associer Dante et Bayonetta serait aussi très amusant. Il ajoute, cher Capcom, si quelqu'un comme moi ne vous dérange pas, je file un coup de main quand vous voulez. Allez, tout le monde, inclinez-vous avec moi, avait-il dit. Un jeu qui réunit Dante, hein, qui pour moi reste l'un des personnages les plus classes du monde, avec Bayonetta, ce serait complètement dingue, avouez-le. Pour cette nouvelle rubrique Revue de presse rétro, j'ai décidé de retrouver dans mes archives, dans mes vieux magazines, des papiers concernant Super Mario 64. Puisqu'on compare beaucoup Super Mario Odyssey à Mario 64, je me dis que l'occasion était bonne pour remettre la main sur certains papiers. Super Mario 64, je le rappelle, a été vraiment une révolution, non seulement pour l'industrie tout entière, pour le genre plateforme, pour le jeu en 3D, à différents niveaux, ce jeu a effectivement été une véritable révolution qui a donné le cap à tout un pan de la production suite à sa sortie. Et donc, pour commencer, je vous ai retrouvé un petit papier, donc avant la sortie du jeu française en tout cas, le jeu était déjà sorti au Japon, puisque vous savez que la Nintendo 64 s'est fait largement attendre chez nous, et encore plus en France. C'est déjà, il y a eu la sortie japonaise, après elle est sortie tardivement dans d'autres pays d'Europe et la France a fait vraiment partie des dernières servies. Je me souviens qu'on avait réussi à l'époque à l'obtenir grâce à de l'import allemand. Et c'était la seule condition pour pouvoir jouer à Mario un petit peu avant les autres Français. Bref, et donc un papier sur Joypad, hein, le Joypad numéro 56, qui fait un zoom hein, donc sur Super Mario 64, un zoom sur 1, 2, 3, 4... 4 pages, et dont le corps de l'article hein, principal nous dit « Cette fois-ci, la princesse se fait enlever par Koopa, ce qui, vous en doutez, est d'un incroyable conformisme. Par chance, vous incarnez un Italien spécialisé dans la plomberie, sorte de petit coluche en salopette. » C'est mignon ça, petit coluche en salopette. Doté de capacités que même un tout ne pourrait aisément jalouser. Et oui, Mario saute loin, fait des pirouettes, vole, nage, se transforme en Terminator, parvient même à traverser les grillages et les murs. Disons-le tout de suite, ce jeu est une pure merveille, autant au point de vue technique que du point de vue de la jouabilité. Prenons exemple sur le simple jardin qui entoure le château. Il permet de se faire la main lorsque l'on débute le jeu, et donc de maîtriser très vite les diverses possibilités de Mario avant de se lancer dans l'aventure. Les premiers niveaux sont d'une grande simplicité, mais il faudra malgré tout les terminer pour pouvoir gagner des étoiles. Ainsi, vous pourrez ouvrir des portes derrière lesquelles se trouvent d'autres niveaux. On se dit que Mario est vraiment un jeu à la jouabilité extraordinaire et toujours aussi intéressant. Son seul défaut, alors là vous allez rire, est d'être un peu trop niais, mais quel repos, un univers pastel merveilleux. Voilà, donc l'article nous dit, il y a pas mal d'encarts hein, qui font le détail un peu des nouveautés de ce Mario. On nous dit que la révolution des jeux de plateforme est en marche. Ça, on ne peut pas leur donner tort. Et donc, globalement, c'est un zoom complètement dithyrambique. Alors, il y en avait plein à l'époque. Il faut savoir que je n'ai pas tout retrouvé dans mes cartons. Mais les previews, ne serait-ce que même par rapport à la sortie japonaise, c'était hallucinant ce qu'on disait, hallucinant, enfin vraiment c'était... Mais c'était à la hauteur de la révolution du jeu, puisque je me souviens que la première fois qu'on l'a lancé à l'époque avec mon frère, et ça a été un sacré choc. C'est pour cela que de facto on ne peut pas reproduire ça aujourd'hui, parce que c'était la première fois qu'un jeu 3D était aussi bien fait, était aussi vaste, aussi addictif, et c'était la première fois que Mario prenait cette dimension-là. Et donc ce choc visuel, cette liberté pas dans main avec le stick analogique, qui était vraiment là aussi une sacrée révolution pour l'époque, même si certains me diraient que c'était pas le premier, en tout cas c'était le mieux calibré de l'époque, ça fatalement on ne peut pas recréer cette sensation de nouveauté absolue. Alors on va rester chez Joypad, mais dans un numéro antérieur, parce que là on va bondir en janvier 96, peu de temps avant la sortie japonaise de Super Mario 64. Non, c'était dans le supplément, le fameux supplément qui a marqué beaucoup de monde à l'époque, un Joypad international, où il y a très exactement 4 belles pages sur Mario, donc je ne vais pas vous lire les 4 pages bien sûr, mais un passage qui me paraît assez emblématique et qui nous dit « À quoi ressemble-t-il ce Mario nouvelle génération ? Mario acquiert enfin une nouvelle dimension. Mario 64 est un jeu 3D comme vous n'en avez sans doute jamais vu. Sans équivalent, le seul titre s'approchant de façon lointaine de Mario serait un Jumping Flash sur PlayStation. Ce Mario-là va vous en faire voir de toutes les couleurs. Bien que la démonstration ait eu lieu sur une version de travail à 50%, ce début de démonstration augure du meilleur pour l'avenir. Au menu de cette pré-version, les niveaux des Rocky Mountain, du monde de glace en passant par un univers en fusion ou un autre sous-marin. Cette fois, Mario court, vole, glisse, s'accroche aux parois, saute et va même jusqu'à attraper Bowser en personne pour le lancer sur des mines antipersonnelles. Tout cela serait encore bien classique si l'univers 3D de ce Mario-là n'était pas entièrement visitable, alors le visitable est entre guillemets, et ce grâce à une manette de jeu tout aussi originale que révolutionnaire. On pensait avoir atteint les sommets avec la manette PlayStation. On se trompait. La Nintendo 64 n'a pas fini de nous surprendre. Vous voulez vous rapprocher de Mario, lever la tête, passer derrière l'arbre pour mieux voir le terrain qui s'étale derrière, changer d'angle de vue pour voir Mario avancer sous un angle différent, c'est possible. Grâce à la puissance de calcul incroyable de la Nintendo 64, vous pouvez ainsi vous déplacer librement dans le monde de Mario. Un univers en haute résolution et aux milliers de couleurs. En haute résolution, vous avez vu, c'est assez marrant. Une première qui en dit long sur les capacités de la machine, mais aussi sur les possibilités de jeu. Dans le numéro de juin 1996 de Player One, il y a un dossier sur la Nintendo 64 et bien sûr, Super Mario 64 est à la fête avec 4 pages beurrées à craquer. L'article n'est pas signé d'ailleurs, donc comme c'était un dossier collégial, chaque papier n'est pas forcément signé. Alors, est-ce que c'est Cyril Drevet ou pas qui a signé ce papier sur Mario 64 ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il nous dit « Le plombier moustachu égérie de Nintendo depuis des lustres fait un comeback triomphant. Super Mario 64 vous plonge dans une aventure tout en 3D où les sensations fortes côtoient un plaisir de jeu intense. Une recette 100% Nintendo qui fait toujours mouche. » Donc, dans ce gros zoom sur Mario, hein, qui est titré Super Mario 64, 2. C'est le plombier, on nous dit que quelques mois après ses débuts au Shoshinkai, Super Mario 64 était présenté à l'E3 en version quasi définitive. Donc, vous avez bien compris qu'on parle de l'E3 1996, où le jeu avait fait une sensation mais incroyable. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur YouTube hein, des vidéos de présentation où les gens sont voilà, complètement subjugués. Donc le papier nous dit, en effet, les 25 niveaux de jeu se sont étoffés et sont désormais plus vastes, fouillés et variés. Ces différents levels, toujours plus délirants les uns que les autres, sont en fait les salles du château de la princesse Toadstool. Oui, parce qu'on l'appelait encore Toadstool hein, chez nous à l'époque, la princesse Peach. Alors après, une description de la palette de mouvement. Donc on nous dit, la palette de mouvement donc, est gigantesque. Cette variété d'actions est accrue grâce au paddle analogique qui autorise les actions les plus pointues, comme faire varier la vitesse de Mario selon la pression exercée sur la manette. Autre particularité du paddle, il est spécialement conçu pour un univers en 3D. Car je le rappelle, je fais une parenthèse, mais que la manette vraiment de la Nintendo 64 a vraiment été pensée pour Mario 64 et Zelda Ocarina of Time. Mais surtout Mario 64, donc dans un premier temps, même si les deux développements se sont à une époque chevauchés. Plus loin, on nous dit, visuellement, Mario 64 n'a strictement rien à voir avec la production des 32 bits. Les capacités techniques de la N64 ont permis aux programmeurs de créer un bijou exempt de tout bug. Excite le clipping présent sur trop de jeux en 3D. Fini les gros pâtés de pixels sur les objets vus de près. Adieu les animations saccadées. En un seul jeu, Nintendo a réinventé la perfection. Et pour vous en donner une idée, les mots ne suffiront jamais, il faut absolument y avoir joué. Ces couleurs chatoyantes, ces milliers d'animations ultra fluides, ces niveaux sous-marins, Mario, pour son grand retour, s'est juré de vous en mettre plein les rétines. La place manque pour dresser un tableau complet des mille et une petites choses qui font de Mario 64 un jeu unique, précieux, onirique. Toujours au mois de juin 1996, passons sur Console Plus, hein, qui dans son énorme dossier E3, bien sûr, a réservé une place de choix à Super Mario 64. Alors quand j'ai une place de choix, ça reste quand même une demi-page. Mais bon, j'ai souvenir que dans des numéros antérieurs et dans des numéros postérieurs, Mario 64 aura le droit aussi à sa kilotonne de pages dans Console Plus. En tout cas, dans ce petit report de l'E3 96, on nous dit, de par ses qualités graphiques exceptionnelles et le charisme unique du plombier moustachu, Super Mario 64 ravira à coup sûr les plus exigeants des joueurs. À travers 15 mondes et 10 courses spéciales. Mario sera amené à nager, voler ou encore glisser le long de pentes enneigées. L'univers 3D est géré de manière admirable et propose des sensations de jeu inédites à ce jour. La puissance du moteur 3D, ajoutée aux capacités graphiques incroyables de la Nintendo 64, font de ce Mario un produit au parfum de merveilleux. J'aimerais terminer cette rubrique donc rétro sur Mario en prenant le Edge numéro 200, hein, qui date de 2007, si je ne dis pas de bêtises. Attendez que je vérifie ça en direct live. 2009, excusez-moi, qui date de 2009, et donc qui proposait un dossier sur les 100 jeux auxquels il faut avoir absolument joué. Et donc, eh ben, je vais vous donner les Mario, avec le petit texte qui va bien, les Mario qui ont été mis dans ce top 100. Alors bien sûr, les tops, hein, c'est totalement subjectif, on a tous un top qui serait complètement différent les uns des autres, ça c'est certain, mais ça permet d'avoir un petit peu le point de vue de Edge sur la question. Alors, vous voyez, Super Mario Bros. 3, par exemple, hein, donc hein, l'illustre jeu de la NES, est en 20e position. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Aucun autre jeu en 2D n'a apporté autant d'innovation chez Nintendo que ce jeu de plateforme qui propose une nouvelle façon d'approcher le genre. Son level design teste les capacités du joueur sans compromission. Un costume de raton laveur ? Une tenue de grenouille ? Devenir un frère marteau ? Tout est possible ici. Même Nintendo n'a pas pu faire mieux ensuite. Alors bon, là, moi, c'est pas mon avis, puisque vous savez que moi, je trouve Super Mario World infiniment supérieur. Mais là, bon, voilà, c'est juste mon avis. Le seul jeu 8 bits qui n'a pas pris une seule ride aujourd'hui, d'après Edge. Alors, c'est marrant, parce que ce focus sur les transformations possibles qui sont renversantes voilà, sur Mario 3, ça nous renvoie un peu à Mario Odyssey, c'est assez, assez sympa. En 10e position hein, de ce top 100, nous trouvons Yoshi's Island, hein, donc Super Mario World 2. Et donc, Edge nous dit... À lui seul, son style graphique crayonné le rend immortel. Mais Yoshi's Island propose bien plus que ça. La variété et la profondeur de ses niveaux soigneusement conçus sont également inusables. Tout le jeu fonctionnait selon une logique interne cohérente. Les thématiques abordées sont aussi variées que le game design, qui demande autant d'agilité que de jugeote. Ce jeu tourne autour de la personnalité de Yoshi, qui mène une existence beaucoup plus paisible que celle de Mario. Il peut courir, rebondir, sautiller et sauter dans les airs quelques instants, mais surtout, il est capable de lancer des œufs. L'exploration est encouragée et atteindre le score parfait de 100 dans chaque niveau demandera de longues heures pardon, de furetage. En modifiant subtilement les ingrédients présents dans Mario, Yoshi crée un genre à lui tout seul, l'un des jeux de plateforme 2D les plus brillants. En 8e position, on trouve l'incontournable Super Mario Galaxy. Et Edge nous dit, que faire hormis s'amuser dans cette étrange galaxie ? Ces réseaux de structures métalliques, brillantes, de planétoïdes, de bigarrées, de pluies d'étoiles filantes ne demandent rien d'autre que de vous distraire. Le tout sur d'entraînantes musiques 8 bits ou symphoniques du plus bel effet. Les niveaux de Super Mario Galaxy, inventifs et variés, sont magnifiquement conçus et parsemés de détails et de surprises qui ne cessent d'émerveiller le joueur. Techniquement parlant, c'est parfait. On oublie de se soucier de la caméra, les graphismes sont nets et éclatants, le moteur physique est irréprochable, comme la prise en main. Ce qui vous permet de rester concentré sur l'action. Vous aurez besoin de toute votre attention pour évoluer dans ce monde où la gravité change constamment. Un jeu qui étire les trois dimensions de Super Mario 64. Jusqu'où ira Nintendo ? Et donc, on trouve en 6e position de ce top 100... Hein, mon chouchou, Super Mario World. On nous dit, Super Mario World est une parodie. Accumulant les clins d'œil et les différences à tout ce qui fait le succès de son univers en 2D, une parodie, soigneusement mise en scène dans un jeu de plateforme qui ne cesse de jouer avec certitude. Une sortie est-elle vraiment une sortie ? Pourquoi tomber ? Signifie-t-il nécessairement mourir ? En apparence, il s'agit d'un simple jeu de plateforme, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un univers immense, parsemé de mondes à découvrir. Quel autre jeu ose vous emmener dans un niveau secret, lui-même camouflant un autre niveau caché, et qui vous récompense par des mots écrits en pièces de monnaie ? Super Mario World est le meilleur jeu de plateforme 2D jamais conçu, ah là nous sommes d'accord, sans aucune seconde de temps mort, vous prendrez du plaisir à chaque instant. Super Mario 64 est numéro 2 de ce top 101, Ocarina of Time étant le premier. Ils disent donc, hein, sur Super Mario 64, Shigeru Miyamoto a toujours insisté sur ce point. Quelle que soit la notoriété d'un héros, le plus important reste le plaisir de le prendre en main. Super Mario 64 n'est pas la transcription de Mario de la 2D vers la 3D, c'est quelque chose de fondamentalement neuf qui a inventé une structure adaptée à son but. Le niveau central servant de hub, les étoiles débloquant les nouveaux mondes, et que tout le monde a instantanément adopté. C'est aussi un monument de surréalisme. Sauter à l'intérieur d'un tableau et l'explorer, visiter l'intérieur d'une horloge, faire varier l'échelle, changer subtilement les niveaux lors de chaque visite, Mais la plus belle réussite de Super Mario 64 reste son ergonomie fantastique accessible à tous. Un enfant peut passer des heures à galoper dans le premier niveau et un adulte peut faire de même juste pour le plaisir. 10 ans plus tard, et malgré d'innombrables clones, cette première excursion dans l'univers de la 3D coupe encore le souffle par sa profondeur et son inventivité. Dans ce dossier de Edge, j'aimerais vous rapporter deux témoignages, puisqu'on demandait à certaines figures illustres de l'univers du jeu vidéo de parler des jeux qui les ont les plus marqués. Super Mario 64 ressort deux fois. Une première fois par la bouche, et bon, du coup la plume, de Gabe Newell. Alors Gabe Newell, c'est le big boss de Valve, le grand Manitou derrière Valve Software et maintenant Steam, du coup, qui dit... Donc Mario 64, mon jeu préféré. C'est mon favori pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que développeur. Nous sommes encore une industrie jeune. Je rappelle qu'on est en 2009. Nous sommes encore une industrie jeune qui souffre de myopie, pas encore capable de percevoir ces événements historiques majeurs. Doom souffre aussi de ce problème. On admet qu'il est à l'origine du raz-de-marée des jeux 3D, mais on ne connaît pas son impact sur le design des interfaces et sur la façon de distribuer les jeux. Il y a eu un avant et un après Mario 64. Ce jeu a redéfini la gestion de l'espace et a su faire basculer gracieusement les jeux de plateforme de la 2D à la 3D. Je trouve toujours plus instructif, encore aujourd'hui, de jouer à une heure à ce jeu plutôt que 99% des titres présent sur le marché. Attraper les dernières pièces bleues en résolvant le puzzle du wall jump est l'une de mes meilleures expériences de joueur. Il y a aussi le témoignage de Mark Healy, qui est le cofondateur de Media Molecule, le fameux studio qui nous a déjà donné les Little Big Planet, Tearaway, et dont on attend le très intrigant et le très stimulant même Dreams sur PlayStation 4. Ce monsieur, qui est aussi le directeur créatif du studio, si je ne dis pas de bêtises, nous dit donc « Mario 64 aussi est mon jeu préféré, non pas à cause de sa qualité, mais parce que j'ai d'excellents souvenirs de mes premières parties avec des amis. Nous étions barricadés pour le week-end dans une grande pièce avec rien d'autre qu'une provision de bonbons, une grosse télévision et le dernier jeu de Nintendo. Oh, génial, on peut aplatir son visage. Vas-y, appuie sur Start. Chouette, quelqu'un nous a cuisiné un gâteau. Va le récupérer. Waouh, hey, regarde, c'est comme si on avait une télécommande pour contrôler le petit bonhomme. Génial. Beaucoup de rire, beaucoup de waouh et encore plus de « passe-moi la manette ». Plus tard, nous avions fait le plein de bons souvenir grâce à Super Mario 64. Voilà, donc je pense que on en a terminé avec cette rubrique pour aujourd'hui. Vous noterez que j'ai fait exprès de pas sortir les reviews, les tests de l'époque, puisque vous vous imaginez que voilà, ils sont à peu près de la même teneur, donc les répéter ad nauseam comme ça n'aurait pas de sens. Mais voilà, j'avais envie de picorer à droite à gauche comme ça sur des vieilles coupures de presse concernant ce bon vieux Super Mario 64, et j'espère que cela vous a plu. Je crois bien qu'il est grand temps d'attaquer une nouvelle rubrique de la revue de presse rétro. Spécial Final Fantasy pour le 30e anniversaire. J'aimerais commencer avec le premier papier qui m'a vraiment marqué concernant Final Fantasy dans la presse française, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, vu les témoignages que j'ai eus sur Facebook et sur Twitter en postant un petit peu une preview des articles que j'allais évoquer aujourd'hui. Il s'agit du test de la version japonaise, donc de Final Fantasy 6, une critique qui a été signée à l'époque donc par Greg, Gregoirello, dans le Joypad. Je pense que le monsieur a fait découvrir à énormément de monde, à toute une génération, même je dirais, le JRPG. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et en plus, ça avait été testé donc dans un numéro de Joypad qui restait mythique. Et là encore, grâce à Greg, c'était le numéro 31, plus exactement, donc datant de mai 1994. On était en pleine folie Dragon Ball Z en France. Et Greg avait été, alors à ma connaissance, le premier ou l'un des premiers à faire un énorme dossier sur la saga Dragon Ball, et donc là plus précisément d'établir une sorte de timeline de Dragon Ball Z avec une analyse de l'œuvre et un portrait d'Akira Toriyama. Tout ça dans le Joypad, et je trouve qu'à une époque où tous les magazines de jeux vidéo y allaient avec sa couverture de Dragon Ball Z pour faire vendre, parfois, je me souviens plus de titres en particulier, mais il m'est arrivé parfois d'acheter un magazine de jeux vidéo avec Dragon Ball Z en couverture, juste pour une news qui faisait une demi-page à l'intérieur. Là, dans ce numéro 31 de Joypad, on s'était vraiment pas moqué de nous, Greg avait signé vraiment un dossier que je qualifierais de culte. Hein. Et donc, en parlant de culte, cette review de Final Fantasy VI en avait marqué plus d'un, dont votre serviteur, sachant que grâce à mon vieux copain Mickaël, qui m'avait fait découvrir donc à l'époque Final Fantasy VI en japonais, me l'avait même prêté pour un été, je m'étais complètement retrouvé dans ce test. Alors, il y a une formule dans ce test qui m'avait énormément marqué. Hein, c'est où Greg met 20 sur 20 au son et au bruitage de Final Fantasy VI en disant « Jamais, au grand jamais, vos oreilles n'ont entendu pareille mélodie, actrice à côté, c'est de l'excrément de génisse en sueur. » Alors, je ne sais pas comment cette expression lui est venue en tête, mais moi, je sais que ça m'avait énormément marqué. Le jeu hein, écope d'un 98%. C'est dithyrambique, un graphisme 19 du jamais vu sur une Super Famicom, animation 19, hein, où Greg loue le mode 7 à gogo, maniabilité 19, bref, la plus belle réalisation, nous dit-il, à ce jour sur Super Nintendo, un intérêt grandissant, 40 heures de jeu acharné et toujours pas l'ombre d'une fin, donc à mon avis, il l'avait pas encore terminé quand il a fait la review, l'originalité Square, et donc dans les moins, il nous dit « Je n'y joue pas pendant que j'écris ce test », le mettre sur un adaptateur fume vos sauvegardes. Oui, et pas seulement d'ailleurs, parce que sur un adaptateur, et c'est pour ça qu'à l'époque j'avais fait modifier ma Super Nintendo, on ne pouvait pas voir la fin entièrement et les menus ne s'affichaient pas correctement. Bref, et là on voit que l'époque a vraiment changé, puisque dans sa critique, Greg nous dit « Jamais des graphismes n'ont atteint un tel degré de perfection. Jamais des musiques n'ont été aussi pures et proches des oreilles du pauvre joueur qui en revient, toujours pas. Alors il est vrai que ce jeu est en japonais. Je sais que c'est un jeu de rôle, genre de jeu pas toujours apprécié des joueurs, mais il fallait juste que vous sachiez que ce jeu fera date. » C'est assez rigolo, effectivement, puisque maintenant le JRPG, enfin maintenant, depuis X années, la France est un des territoires hein, privilégiés de ce genre, très très très très apprécié. Et donc c'est assez rigolo de lire ça a posteriori. Et donc Greg nous dit autre chose d'intéressant. Donc ce jeu fera date, pour vous donner une idée, il s'en est vendu 2 millions au Japon le jour de sa sortie, et les gens faisaient des heures et des heures de queue pour aller l'acheter. Il n'était même pas rare, d'ailleurs, de voir des tentes et autres sacs de couchage devant les boutiques. Encore pire qu'il y a 4 ans, pour Dragon Quest 3. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il s'est emballé sur la sortie d'FF6, et on peut le comprendre, hein, moi je vous rappelle que ça reste mon RPG préféré de tous les temps, et l'un des jeux de ma vie, vraiment, qui a fait le joueur et le passionné de jeux vidéo que je suis. Mais c'est vrai que Dragon Quest, on connaît le côté vraiment phénomène culturel au Japon. Donc est-ce que vraiment les files d'attente, la cohue pour FF6 a dépassé celle de Dragon Quest 3? C'est la première fois que je le lis. J'avais complètement oublié ce passage-là, donc ce serait à vérifier. Peut-être en lui demandant directement si nous y pensons. En tout cas, c'est assez, assez étonnant. On va rester dans Joypad avec le supplément qui a marqué également beaucoup de monde, le supplément Joypad International. Donc là, qui date du numéro 47, donc c'est le numéro de novembre 1995, avec les premières images de ce qu'on annonce comme étant Final Fantasy VII sur Ultra 64. Alors, Ultra 64, vous le savez très bien, hein, c'était l'un des noms de code de la Nintendo 64. Et cette soi-disant version de Final Fantasy VII était en fait une démo technique en 3D faite par Squaresoft utilisant des personnages de Final Fantasy VI pour démontrer un petit peu toute la puissance voilà, de cette technologie. La suite, on la connaît, Nintendo a du retard, Nintendo choisit le port cartouche et Square décide d'aller voir chez Sony et la toute pimpante PlayStation. Mais donc dans cette petite dans cette news hein, qui fait une demi-page, dans donc, ce supplément Joypad International, on peut lire « Square développe dans le plus grand secret le 7e épisode de Final Fantasy ». Pourquoi dans le plus grand secret? Tout simplement parce que le jeu est annoncé sur Ultra 64. Des premières images issues des personnages du jeu en train de courir, de combattre et quelques infrastructures moyenâgeuses en train d'exploser. On ne sait pas grand-chose du jeu, mais il est aujourd'hui certain qu'il se déroulera en 3D polygonale. Les personnages, joueurs et non-joueurs, seront modélisés sur Silicon Graphics. Vous imaginez un Final Fantasy en 3D dans lequel on peut aller partout et dans lequel on peut interagir avec les éléments du décor comme si l'on jouait dans un film ou même dans une sitcom, vous imaginez. Alors, je sais pas qui a écrit ces tous, mais à mon avis, ça ressemblerait à l'humour de Greg. En tout cas, c'est assez rigolo. Hop, bondissons directement sur un Player One, et plus précisément le numéro de novembre 1997, un numéro marqué par la critique de la version française de Final Fantasy VII. Alors, c'est plus qu'un test, hein, d'ailleurs, c'est carrément un dossier, c'est annoncé comme tel, hein, réalisé par Wolfen, qui nous dit « Certains éditeurs semblent avoir fait l'impasse sur la N64. C'est le cas de Squaresoft, qui était pourtant l'un des développeurs attitrés des Nintendo 8 et 16 bits. Aujourd'hui, Square a scellé son destin à celui de la PlayStation. Et après un très remarqué Tobal numéro 1, alors Tobal numéro 1, si vous vous souvenez, c'est un jeu de baston excellent, hein, de Square sur PlayStation, et avec un numéro 2 après encore plus excellent, mais là, je digresse. Bref, le jeu de rôle est à l'honneur avec ce monstrueux Final Fantasy 7. Alors, je vais vous lire la conclusion, hein, de ce dossier test. Donc, le jeu écope, hein, d'à 97%. En résumé, ce jeu est proprement fabuleux. Que dire de plus ? Il nous dit « Se retrouver catapulté dans le 7e volet de cette saga sans connaître les épisodes antérieurs est un sacré challenge, mais heureusement, le jeu a été intégralement traduit en français. Toutefois, d'épisode en épisode, l'interface s'est enrichie au point d'atteindre aujourd'hui une complexité pouvant paraître rébarbative aux novices. » Alors, je refais une parenthèse, parce que c'est vraiment marrant de lire ça avec le recul. C'est que Final Fantasy VII, déjà à l'époque, hein, avait un menu hyper ergonomique. Et c'est sûr que ça pouvait paraître un petit peu comme un tableau de bord de Boeing 747 pour les non-initiés, mais à côté d'un Dragon Quest par exemple, c'était quand même vachement plus smooth, c'était vachement plus user-friendly, je dirais. Donc c'est assez rigolo de dire ça. Il dit « Mais je fais confiance à votre sagacité, d'autant plus qu'au début de la partie, un mode tutoriel vous explique dans les moindres détails les fonctions de tous les menus. C'est assez fastidieux, mais indispensable pour apprécier à sa juste valeur tous les aspects du jeu. Bref, le succès planétaire de Final Fantasy VII s'explique d'une part par la qualité de la réalisation qui pousse la PlayStation dans ses derniers retranchements, vous avez deviné, hein, ça c'est peut-être l'expression la plus utilisée avec un jeu qui ravira les amateurs du genre, hein, dans la presse jeux vidéo, où en étais-je, oui. Et donc il poursuit en disant, et d'autre part, par la profondeur de son scénario et la personnalité complexe des héros. Il ne fait aucun doute que Final Fantasy VII ait promis un bel avenir en Europe. Nintendo va sûrement regretter ses choix marketing passés. Et hop, on revient vers Joypad. Et oui, j'ai beaucoup d'archives de Joypad, mais que voulez-vous, c'était mon magazine de jeux vidéo préféré à l'époque. Toujours sur ce test, hein, français de Final Fantasy VII, puisque je ne pouvais pas quand même éviter de vous donner les conclusions de Grégoire Hello toujours, et Gollum, donc celui qui se faisait appeler Gollum à l'époque n'est autre que Julien Chiez. Qu'est-ce que nous dit Greg ? Rôliste console depuis toujours. Et c'est marrant en fait de lire ça, excusez-moi je refais une parenthèse, mais c'est marrant de lire cette conclusion du test FR d'FF7 de Greg. Là il doit sentir que voilà, le RPG va exploser chez nous par rapport à ce qu'il disait sur le test d'FF6. C'est assez marrant en fait de voir la différence, le contraste entre les deux textes. Donc il écrit, rôliste console depuis toujours, je n'avais jusqu'à présent jamais pu prouver à la France entière que les RPG c'était génial. Et ce à cause de la barrière de la langue. FF7 arrive entièrement en français et se fait l'ambassadeur de choc de ces jeux mal connus dans notre pays. Il n'y a rien à dire d'autre que waouh. Si vous n'y jouez pas, autant arrêter les jeux vidéo, vous n'avez rien compris. J'aime beaucoup cette conclusion qui m'avait bien marqué à l'époque aussi. Et donc Gollum, hein, Julien Chiez, nous dit « Tous les superlatifs qui se bousculent en moi ne pourront même pas vous faire entrevoir la passion qui m'anime à chaque partie de Final Fantasy VII. Grâce à un scénario alambiqué au possible, à des invocations démoniaques et à un rythme super soutenu, FF7 s'impose comme LE jeu. Plus d'excuses pour vous défiler, la quête est en français et c'est une première. Si vous n'en achetez qu'un pour les fêtes, obligation de choisir ce titre. Sinon... Et enfin, pour terminer cette rubrique revue de presse rétro, il y a un dossier dans un vieux Super Power que je voulais absolument retrouver. Hélas, j'avais ce numéro à l'époque et je ne l'ai pas retrouvé. En fouillant dans tous mes cartons, dans mes archives, impossible de retomber dessus. Et c'est grâce au site magique Abandonware, hein, magazine.org, que j'ai pu, après une bonne heure de recherche, retomber sur ce numéro, car je ne savais plus dans quel numéro ce dossier avait été publié. Et donc c'est dans le Super Power numéro 21, donc qui date de mai 1994, un dossier intitulé « Role-playing game, quand l'Europe s'enrôle ». Jeu de mots. Et c'est un dossier signé Sushi. Alors pourquoi je vous en parle ? Puisqu'il parlait du phénomène un petit peu étrange du jeu de rôle japonais, du JRPG, même si on l'appelait juste jeu de rôle à l'époque. Et justement, un regard très extérieur au phénomène Final Fantasy VI, et du coup ça fait le pont, c'est ce qui m'a en fait rappelé l'existence de ce dossier, ce qui fait le pont avec le commentaire de Greg, dont j'ai parlé il y a quelques minutes dans sa review d'FF6 à l'époque dans le Joypad, où il parlait du phénomène qu'a créé FF6 à sa sortie. Sur ce dossier, qui revient vraiment sur l'historique du RPG japonais, de ses grandes figures, des grandes sociétés, etc., il y a donc un paragraphe, un chapitre même, nommé « Le phénomène Final Fantasy VI ». Et donc ce cher Sushi nous dit « Nous y étions, JM Destroy et moi. Eh bien, que dire ? Sinon que la sortie du jeu était prévue pour le 2 avril, mais que la plupart des magasins de jeux le présentaient sur leurs étalages un jour avant à un prix dépassant les 10 000 yens, ce qui faisait à l'époque 650 francs, car je le rappelle, l'euro n'était pas encore arrivé. Et donc, Sushi nous dit ce qui restera dans les annales. À vrai dire, il n'eut pas une queue monstrueuse, mais les résultats sont là. Dès le jour officiel de la sortie, tous les magasins furent en rupture de stock, un stock qui s'élevait à 2,5 millions d'exemplaires dans tout le Japon. 24 mégas devraient assurer au jeu une longévité à toute épreuve. Les programmeurs de Square espéraient que le joueur serait complètement accro, qu'il aurait la surprise de découvrir des éléments tout à fait originaux et palpitants. Force est de constater qu'ils avaient raison, et à 100%. Je n'ai évidemment pas résisté à l'envie d'acheter le jeu, et maintenant que j'en savoure lentement le contenu, je ne serai pas marseillais en disant que FF6 est sans aucun doute le meilleur jeu de rôle fait sur la Super Nintendo, et ce, sur tous les plans, à ce point qu'il sera certainement difficile de faire mieux. Je plains d'avance les éditeurs qui voudront relever le challenge, excepté Square, hein, qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Bien entendu, la sortie de FF6 fut précédée d'une campagne publicitaire digne de ce nom, peut-être la plus importante du moment, et le résultat en est peut-être fortement influencé. En effet, outre les spots publicitaires de 30 secondes diffusés sur les 8 chaînes, à une cadence de 30 spots par jour. Alors ça, c'est une info que j'avais jamais eue, voyez. Alors je sais pas si c'est vrai, si on sait que bon, dans la presse de l'époque, y compris de celle de maintenant, vous allez me dire, hein, parfois il y a des approximations, quelques erreurs. Si c'est vrai, c'est assez impressionnant. Square s'est permis, donc, nous dit Sushi, d'organiser des concours divers tout en passant par les magasins de jeux pour la promotion du jeu. Ça fait un petit peu de répétition, ça, mon petit Sushi. Bref. Cependant, d'après ce qu'on a pu entendre à ce sujet, il s'avérait que seul le nom de Square suffit à déclencher cet état d'impatience qui caractérise tout joueur faisant des économies en vue d'un prochain achat primordial. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui donc pour cette nouvelle rubrique Revue de presse rétro. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai dû vraiment me concentrer sur quelques articles, sinon ça aurait pu faire 2 heures, voyez-vous. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux, à crier votre amour. Vous le savez, ça me fait toujours plaisir, et puis ça m'encourage, quoi. Hein. En tout cas, merci d'avoir écouté cette rubrique, et ben voilà, j'espère qu'elle vous a plu, tout simplement. Pour cette nouvelle revue de presse rétro, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de se replonger dans l'accueil du tout premier Metal Gear Solid du sieur Kojima, vu que là nous sommes un petit peu en, je dirais pas en polémique, mais effectivement Metal Gear Survive et visiblement les premières previews s'est accueilli un petit peu froidement, et c'est vrai que ce premier véritable MGS sans le sieur Kojima à la barre, ou tout du moins même juste en producteur ou quelque part dans l'ombre en train de superviser un petit peu le bousin, bon, hein, ça se fait ressentir, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai retrouvé dans mes magazines, dans mes archives personnelles, de beaux petits papiers signés parfois par des noms, hein, que je pense la plupart d'entre vous apprécie, et notamment dans un vieux Joypad, un papier signé par Greg Gregoirello, qui est désormais à la tête de la boîte d'édition de manga Kurokawa, mais qui est aussi interprète, que l'on retrouve régulièrement, notamment dans Gaijin Dash, hein, le podcast dédié aux jeux vidéo japonais qu'il anime, hein, avec Kamui et ce cher Puyo. Et donc j'ai retrouvé dans un vieux Joypad un zoom, hein, sur les sorties japonaises. Donc là on est sur la sortie japonaise de Metal Gear Solid sur PlayStation. Et donc Greg présente le jeu. Il faut savoir qu'à ce moment-là, À cette époque, hein, ni le nom de Kojima, ni le nom de Metal Gear n'est vraiment connu du grand public. Et même parmi les core gamers, c'est vraiment un groupe d'initiés hein, qui se souvient de, Police Notes, par exemple, ou des premiers Metal Gear. Ce texte est d'autant plus intéressant, vu qu'aujourd'hui, bah, vous le savez, on attend Death Stranding. Kojima est une superstar du milieu, dont la réputation dépasse le cadre du jeu vidéo. Alors qu'à l'époque, eh ben, voilà, à part quelques initiés, comme je vous le disais, c'est un parfait inconnu hein, pour les trois quarts du public. Et donc Greg nous dit « Donnez-moi Metal Gear ». Cette phrase que je n'avais pas entendue depuis plusieurs bonnes années revient d'un seul coup d'actualité. Un peu comme si un boomerang abêti de nostalgie venait frapper le fan de ce soft vieux de 10 ans. Abandonné dans un carton, le concept de Metal Gear est repris par une jeune équipe formée par Monsieur Kojima, créateur de Police Notes, qui croit en ce titre ancien mais puissant. C'est une réussite! Le jeu est ce qu'on a connu de plus extraordinaire sur PlayStation depuis rien. En fait, il n'existe aucun soft qui puisse prétendre procurer autant de sensations, captiver aussi le joueur, donner un plaisir à la limite de la dépendance que Metal Gear Solid. Jouant sur les possibilités données par un tel concept, le déplacement libre dans des bâtiments surveillés, Kojima et ses troupes ont mis en œuvre un bijou de jouabilité allant jusqu'à étudier minutieusement chaque décor exploré ou recréer les aires de jeu en briques Lego avec une micro-caméra explorant les structures pour choisir les meilleurs angles de vue. Alors, je fais une petite pause là. Ça, c'est une anecdote qui est très connue, qu'on a vu dans pas mal de making-of. Effectivement, je crois que jusqu'au 2, hein, parce qu'il a utilisé ces techniques-là, je l'avais vu sur un making-of de Metal Gear Solid 2, qui était inclus d'ailleurs dans la première édition française, Hideo Kojima utilisait des Lego pour créer ses maps. C'est vrai que c'était assez original et diablement efficace, on peut quand même le constater. Et donc Greg continue, résultat, une jouabilité irréprochable. Le but est tout simplement d'investir un bâtiment ennemi et de l'explorer de fond en comble afin de stopper l'envoi de missiles nucléaires sur la Maison Blanche. Le joueur incarne Solid Snake, le meilleur agent d'infiltration du monde. Contrairement à tous les jeux d'action-exploration sur le marché, Metal Gear nécessite de la finesse, car le but n'est pas de tuer, mais de pénétrer chez l'ennemi sans se faire repérer. D'ailleurs, moins on tue, mieux c'est. Alors là, Greg nous raconte un petit peu hein, le gameplay de Metal Gear Solid. Donc ça, hein, on le connaît, je pense que tout le monde connaît, même si vous n'êtes pas spécialement fan, tout le monde connaît quand même les rouages du gameplay de ce jeu d'action-infiltration légendaire. J'avance un petit peu plus loin dans le papier. Donc il nous dit qu'on ne s'ennuie pas dans Metal Gear Solid, à tel point que le japonais, déjà indispensable pour finir le jeu, devient turbo-indispensable pour ne pas rater les petits détails scénaristiques qui fourmillent et qui donnent au soft cette ambiance de film à mettre au chômage Cameron et Spielberg. Vous avez bien lu. Car il est évident que même s'il est court une dizaine d'heures, ce jeu reste l'une des légendes qui n'arrive qu'une fois par génération de machines. 10 petites heures de plaisir intense et purement concentré. 10 heures en continu enfermé dans ma chambre, volet clos, téléphone débranché et casque stéréo sur les oreilles, tel un reclus. Et puis contrairement à un Parasite Eve ou un Ark The Lad, on y revient avec plaisir. Unique, Metal Gear Solid l'est. Indispensable aussi. Seulement, il faudra attendre la version européenne, sans laquelle Metal Gear Solid n'a pour nous, il faut l'avouer, aucun sens. Et donc cette grande preview, on est entre la review de la version japonaise hein, et la preview, donc est ponctuée de citations hein, d'Hideo Kojima. Alors je vais vous les citer, je les trouve assez chouettes. Donc celle-ci, « Je souhaite qu'on exploite mon jeu jusqu'à la moelle. » Signé Hideo Kojima. Une autre que j'aime bien, « C'est un jeu qui serait l'inverse d'un chewing-gum. Plus on le mâche, plus il a du goût. » J'aime beaucoup. Monsieur Kojima a également déclaré « Je voulais un jeu qui soit tellement beau qu'il rende le joueur fier de ses actions. » Et donc la reste hein, de la preview a pas mal d'encadrés. On nous parle de quelques scènes choc, hein, comme la scène de torture, les gadgets, la vision de nuit, le radar, les fameux boss hein, d'anthologie, l'usage hein, du ketchup dans la prison pour faire croire qu'on est blessé. Bref, autant de choses. Il faut se remettre quand même dans le contexte de l'époque. Metal Gear Solid, c'était vraiment quelque chose de dingue. Et quand bien même le doublage français, effectivement, est resté légendaire de par son côté extrêmement caricatural, c'était déjà absolument fantastique de le faire en français, même si je conseillerais à tous la version américaine, bien évidemment. Là, on va bondir sur le Player One de mars 99, qui nous parle également de la sortie de Metal Gear Solid, et où divers rédacteurs se passent le relais, en fait, pour parler hein, de leur impression sur le jeu. avec un texte, hein, bien sûr, principal. Il y a la vie de Reda, qui tempère un chouïa et qui nous dit « Ok, pas de problème, Metal Gear a tout d'un grand jeu. Il est plutôt beau, quoique un peu terne, et distille une ambiance très particulière. Le scénario où tout le monde trahit tout le monde est plein de rebondissements. Il y a un tas de détails ici et là qui prouvent que les auteurs se sont documentés pour faire un jeu réaliste. La drogue qui empêche les tremblements, les missiles téléguidés, l'injection d'antigel contre le froid polaire. Toutefois, on peut regretter certains poncifs lassants. Les terroristes qui veulent faire péter la Maison Blanche, déjà vu, et la méchante qui tombe finalement amoureuse du héros beau gosse. Mais bon, il y a bon jeu. » Voilà, donc bon, je pense que cette critique est un petit peu réductrice, un petit peu facile, j'ai envie de dire. Je vais vous lire la critique toujours hein, dans ce Player One. De MCAS qui nous dit « Avec Metal Gear Solid, Konami touche en plein dans le mille. Tous les ingrédients sont réunis pour que le joueur soit dans l'action. Les dialogues en français sont classieux, les graphismes détonnants et les scènes cinématiques ont vraiment de la gueule. » Là, je fais une petite parenthèse. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était déjà la mode, et surtout avec la première PlayStation, des cinématiques en images de synthèse. Hein. Autrement dit, qui n'étaient pas du tout créées avec le moteur du jeu. Sinon, ça paraissait trop laid. C'était des images de synthèse. Et Metal Gear Solid, c'était l'un des rares jeux de l'époque à présenter ses cinématiques en utilisant le moteur du jeu. Mais grâce à divers effets visuels, un effet de mise en scène vraiment très, très, très, très, très réussi, ça, on ne peut pas le retirer à Kojima et ses équipes, et bien finalement, on était d'autant plus dedans puisqu'il n'y avait pas de coupure avec le visuel du jeu et celui des cinématiques. Voilà, je referme ma parenthèse. Et donc, MCAS continue en disant « C'est simple, on se croirait en train de regarder un film, enfin presque. Même la bande-son est digne des grosses productions cinématographiques. Bon, c'est vrai, la jouabilité n'est pas au top, mais personnellement, je suis rapidement à l'aise aux commandes de l'espion. Un petit conseil, si vous pouvez relier votre console à une chaîne Hi-Fi, n'hésitez pas une seconde, vous allez faire un long voyage. » Player One est un petit peu plus... voilà, un petit peu plus mesuré. Et là, on va aller du côté de Joypad, toujours en 99, où là, c'est carrément titré « Metal Gear Solid, le jeu de l'année 99 ?» Point d'interrogation. C'est un article signé Gollum. Gollum, c'était le pseudo de Julien Chiez, hein, qu'on ne présente plus. Alors, à côté des concerts de louanges, hein, toujours, bon, ça, je pense pas que ce soit trop utile de vous en dire encore trop, puisque si vous n'êtes pas trop fan, ça va pas vous convaincre. Si vous êtes déjà fan de Metal Gear Solid, bon, hein, vous êtes déjà convaincu quelque part, n'est-ce pas? Il y a des petits encadrés très sympas. Je tiens à préciser que dans la période Joypad, j'adorais les articles de Gollum. Vraiment, je me suis toujours reconnu dans ces textes dans Joypad, et c'est vrai que j'attendais toujours ces dossiers, que ce soit sur Resident Evil, sur Metal Gear, etc., avec grande, grande, grande impatience. Et je me suis toujours reconnu dans ces, enfin toujours, en tout cas, très souvent. Dans sa façon d'appréhender le jeu vidéo. Voilà. Après, il y a des choses qui ont été faites dans Gameblog, et je m'en étais jamais caché, hein, pour le dire, qui étaient vraiment inadmissibles. Mais à l'époque de Joypad, c'était un vrai plaisir. Et donc, il nous livre quelques petites anecdotes, notamment sur un encadré titré « Combien de temps pour créer un tel chef-d'œuvre ? » Il nous dit « Pour un projet de l'envergure de Metal Gear Solid, il semblait nécessaire de mener de nombreux travaux préparatoires avant même de débuter la programmation à proprement parler. » Ainsi, alors qu'Hideo Kojima avait rédigé le scénario et réalisé quelques croquis en 1994, ce n'est qu'en août 1996 que le travail de production commença. La première année fut, en fait, réservée à la recherche et l'élaboration d'un moteur 3D performant. Au cours de cette période, l'équipe n'était composée que de 10 personnes. Par la suite, l'effectif n'a eu de cesse de s'étoffer pour finalement compter 30 membres en 1998. Alors ça, c'est des, c'est des volumes d'équipes qui nous paraissent totalement dérisoires aujourd'hui. Hein. Gollum, Monsieur Chiez poursuit, « Depuis les prémices du développement, ce sont donc près de 4 années qui furent nécessaires à la réalisation de Metal Gear Solid. Et dire qu'Hideo Kojima pensait à l'origine que le projet ne tiendrait qu'un an. » Il nous dit aussi « Qui se cache réellement derrière Solid Snake ?» Dès le début, Hideo Kojima s'est montré très clair sur l'apparence physique de son héros. Solid Snake se devait d'être aussi félin que musculeux. La difficulté était donc de rendre ses mouvements énergiques, bien que souples et légers. Après quelques essais infructueux, le character designer Yoshi Shinkawa a finalement décidé de s'inspirer de deux acteurs à la renommée mondiale. Ainsi, c'est le corps de Jean-Claude Van Damme et le visage de Christopher Walken qui ont servi de modèle afin de façonner cet espion des temps modernes. Enfin, le nom de Solid Snake s'avère directement inspiré, bon ça je pense que tout le monde le sait maintenant, de Snake Plissken du film de John Carpenter, Escape from New York. Donc dans ce Joypad, hein, c'est incroyable le nombre de pages qui étaient réservées à ce Metal Gear Solid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a au moins 7 pages, c'est ce qui est assez impressionnant, ça pourrait encore durer des heures comme ça. Hein. C'est de voir effectivement le côté nouveauté, le côté on découvre un créateur, ce que je ne sais pas vous me direz ça, hein, sur Discord ou sur Twitter ou sur Facebook, mais moi le nom de Kojima, je ne le connaissais pas avant d'avoir découvert à l'époque Metal Gear Solid. Et là, on découvrait vraiment un nouveau concepteur, on découvrait une nouvelle façon de nous faire jouer, puisque Metal Gear Solid à l'époque, c'était vraiment... C'était une claque, alors chaque épisode après hein, a apporté une claque, selon les goûts de chacun, bien sûr, mais fusionner aussi bien les codes cinématographiques et ceux du jeu vidéo, excusez du peu, mais je pense qu'à l'époque, c'était vraiment du jamais vu, en tout cas, moi, je n'avais jamais vu ça, et c'est vrai que ça faisait partie un peu de cette image révolutionnaire qu'apportait la PlayStation, puisqu'entre Resident Evil et Metal Gear Solid, on avait deux jeux qui s'inspiraient énormément du cinéma, mais contrairement hein, au jeu de ce cher David Cage, on jouait, il y avait du gameplay, le joueur restait acteur et non pas spectateur, hein, ce qui est la grande différence avec les jeux de Quantic Dream notamment. Voilà, je pourrais vous en parler des heures puisque j'ai vraiment des tonnes et des tonnes de choses sous le nez. Allez, petit bonus, je vais terminer avec cet article dans le Joypad qui est très intéressant, qui nous dit... Quelles sont les attentes d'Hideo Kojima? Et donc, bah, c'est toujours Gollum hein, qui nous dit qu'à l'image de ceux qui font avancer le schmilblick, Monsieur Kojima est un éternel insatisfait. Alors ça, je vous l'ai souvent dit, c'est pas une nouveauté. Pas étonnant donc, nous dit Julien Chiesse, de l'entendre dire que plus de 20% de ses envies et idées n'ont pas pu être exploitées. Incapacité de la PlayStation et manque de temps sont, une fois de plus, les principaux problèmes incriminés. Ses envies ultimes... Utiliser une lampe torche avec des effets de lumière somptueux, mais surtout espérer que la PlayStation 2 comprenne un système permettant de prendre en compte les odeurs. Metal Gear Solid en odorama, vous voilà prévenu. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Metal Gear Solid. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de sortir un petit peu des sentiers battus et ne pas répéter les mêmes choses voilà, qu'on entend ad nauseam sur Metal Gear. Et ça fait du bien de se replonger un petit peu dans les racines hein, de Solid Snake avec ce Metal Gear Survive qui, bon, a pas l'air nullos, mais enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas de quoi. Hein, comme diraient certaines personnes que je connais, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Pour cette nouvelle revue de presse rétro, j'ai décidé de revenir sur Shadow of the Colossus, car vous l'avez sans doute remarqué, le remake HD de Shadow of the Colossus est sorti. On en a même parlé très récemment dans l'émission. L'accueil est vraiment plus que chaleureux. Le jeu est une réussite totale et arrive à remettre sur le devant de la scène le chef-d'œuvre, hein, l'un des chefs-d'œuvre de Fumito Ueda. Et donc j'ai décidé de revenir sur l'époque où le jeu est arrivé sur PlayStation 2, mais également lorsque il avait été fraîchement annoncé. Alors vous savez que le jeu a mis énormément de temps à sortir, hein, c'est une tradition hein, chez Monsieur Ueda. On va commencer sur GameCult. Hein, une fois n'est pas coutume, nous allons aller sur le net. Hein, on reviendra à la presse papier dans quelques instants, vous le verrez, avec une news datée du 13 novembre 2002. Eh oui, ça nous rajeunit pas les copains, il y a plus de 15 ans de ça. Une news du vétéran Puyo qui titre, donc le 13 novembre hein, 2002 à 17h25 très exactement, Ico 2 et Onimusha 3 bientôt présentés. Il nous dit « L'hiver devrait être propice aux grosses annonces du côté du Japon. » Et les magazines de l'archipel nous mettent déjà l'eau à la bouche. Selon l'hebdomadaire Famitsu, Sony prépare plusieurs nouvelles annonces pour le prochain PlayStation Party qui se tiendra au Japon en décembre. De nombreux jeux d'éditeurs tiers hein, sont pressentis, mais le magazine suppose que la suite de Ico devrait être présentée à cette occasion. Fumito Ueda, producteur et directeur sur Ico, indique, lui, dans le magazine The PlayStation 2, qu'il aimerait donner une suite à ce jeu et que son prochain jeu devrait également être bientôt présenté. Le même magazine hein, révèle aussi que Capcom prépare l'annonce de Onimusha 3 pour l'année prochaine. Donc là, vous voyez, c'était la première fois qu'on entendrait parler d'une éventuelle suite directe ou pas, mais en tout cas la suite hein, de la team Ico. Et donc j'aimerais rebondir sur une autre news. Là, nous arrivons le 30 avril 2003 à 15h33. toujours par ce cher Pouillot, qui nous dit « C'est l'effervescence aujourd'hui autour de ce qui sont supposés être les premières images de ICO 2, prétendument tirées d'un DVD promotionnel de Sony. Ces images font référence à un certain projet Nico, ce qui en japonais est un jeu de mots entre le chiffre 2, le nom Nico et ICO, le titre du jeu. » Pour remonter un peu dans le temps, la team ICO avait déjà publié dans le magazine Famitsu une offre d'embauche concernant un nouveau projet, accompagné d'images montrant trois guerriers ressemblant très étrangement au personnage d'ICO. Fumito Ueda avait également révélé mi-novembre, dans le magazine The PlayStation 2, qu'il souhaitait donner une suite à son titre phare consacré dans de nombreux festivals. Il y a quelques semaines, le magazine britannique Edge parlait lui d'un mystérieux projet en développement dans les studios de la team ICO. Enfin, les japonisants auront noté sur les quelques écrans en 6 juin, la présence en tant que lead animateur d'Atsuko Fukuyama, qui avait déjà officié sur le premier volet. Bref, de nombreux indices qui s'accumulent. Sony n'a pour le moment pas confirmé s'il s'agissait bien effectivement de ICO 2. Et donc dans ces écrans, on commence à voir ce qui ressemble un petit peu au Colosse, avec un guerrier au sommet de l'un d'entre eux en train de lui porter l'estocade finale. Et donc les news se sont enchaînés comme ça, partout dans la presse papier, dans la presse internet, sachant qu'il aurait fallu attendre 2006 pour voir le jeu sortir. Et justement, là, je bondis au 20 janvier 2006 pour la critique sur GameCult, signée, vous l'imaginez, Pouillot. Alors, je ne vais pas vous lire toute la critique, mais sa conclusion. Le jeu avait écopé à l'époque d'un 8, d'un 8 sur 10, et Pouillot nous dit « Magique, Shadow of the Colossus est magique. Porté uniquement par une idée démesurée, affronter des titans munis d'un arc, d'un cheval et d'une épée, le jeu récuse les préconceptions du jeu vidéo en se privant de tout le superflu à une interface près. » Et ça marche. Poignante du début à la fin, l'aventure de ce vagabond et de son destrier enchaîne les morceaux de bravoure. Chaque estocade... Ah bah tiens, estocade. On a le même vocabulaire avec Pouillot. Faut croire. Chaque estocade résonnant comme un signal en prévision d'un dénouement inoubliable. De quoi faire oublier bien des défauts et des ambitions techniques que la PS2 a définitivement trop de mal à assumer. Et voyez, déjà à l'époque, même si c'était, il me semble, moins traité dans la presse, alors après je peux peut-être me tromper, mais le design, le game design, par soustraction, la méthode vraiment qu'utilise Fumito Ueda, qui a été... maintes fois reprise maintenant, notamment par la scène indé, là, était déjà évoquée, ici. Et bien sûr, Pouillot met en exergue les limitations techniques de la PS2 pour un jeu, finalement, à l'image des Colosses, bien trop grand pour elle. Mais, voilà, il y a eu le remake PS3 après, enfin, le remake, le portage HD PS3, voilà, qui fluidifiait un peu l'affaire, et le remake, donc là, qui vient de sortir sur PlayStation 4, qui, lui, met tout le monde d'accord. Et maintenant, j'aimerais vous amener dans... Console Plus, qui à l'époque de Shadow of the Colossus avait consacré quelques belles pages, notamment une critique de Gia. Alors pour ceux qui étaient lecteurs à cette époque, Gia était vraiment un des piliers de la rédaction de Console Plus. Alors aujourd'hui, elle fait un tout autre métier, je crois qu'elle excelle dans la photographie et de fort belle manière. Si vous aviez été parmi les premiers spectateurs de Game One, on l'avait vu aussi très souvent sur Game One à une époque. Et donc, une petite interview dans Console Plus de Kenji Kaido, le producteur de Shadow of the Colossus, et Fumito Ueda, le directeur, le créateur. Bref, est-il besoin encore de le représenter? Et donc, Console Plus pose cette question. Je sens que vous êtes sous pression. Était-ce différent lors du développement d'ICO? Kenji Kaido nous dit « Oui, oui, pour Shadow of the Colossus, ça a été bien pire que pour ICO. Le travail sur ICO, c'était presque comme développer un projet personnel. Sony n'avait aucune exigence particulière. Mais l'attention autour de la réalisation de Shadow of the Colossus est bénéfique de celle qui vous pousse en avant. Ce qui nous a pris le plus de temps, c'est la phase de traduction des idées de base, le pre-game design, en mécanisme effectif de game design. Nous avons la manie de tester toutes nos idées, même les plus loufoque. » Et là, donc, le journaliste lui demande « Cela résumerait-il votre relation ? L'une a des idées, l'autre les modélise. C'est un peu plus compliqué que cela, nous dit Monsieur Kaido. Chaque idée doit être développée, codée et testée en conditions réelles pour nous deux. C'est seulement alors que nous estimons avoir un avis pertinent. Nous travaillons plus ensemble que chacun côte à côte. » Console Plus pose cette autre question à Monsieur Kaido. « On sait qu'ICO était initialement prévu pour la première PlayStation, mais que ses limites techniques vous ont poussé à attendre la PlayStation 2. » Donc ça, je fais une petite parenthèse, bon, maintenant c'est connu, vous pouvez retrouver sur YouTube très facilement la démo, le prototype concept d'Ico tournant sur une techno PlayStation 1, Monsieur Kaido répond « Oui, mais Ico atteignait déjà les limites de la PlayStation 2. Et ne parlons pas de Shadow. Sauf que maintenant, nous savons mieux tirer parti de toutes les astuces et subtilités de la machine. » Et poser comme question à Monsieur Ueda, beaucoup de développeurs expriment ouvertement leurs craintes quant à la difficulté et au coût de développement des consoles next-gen. Donc Monsieur Ueda répond « En tant qu'artiste, je suis très excité. La PlayStation 3 va m'apporter beaucoup de nouvelles possibilités. Et quand quelque chose est possible, je dois le faire. » On lui pose également cette question « Vous sentez-vous prisonnier du succès iconique de ce jeu ?» Un peu forcément, nous répond Ueda. « C'est pour cela que nous avons immédiatement pensé à un projet différent et non à une suite. La beauté d'Ico se suffit elle-même. Une suite aurait dénaturé les choses. » D'où Shadow of the Colossus. Le magazine lui demande s'il y a un lien de parenté entre les deux productions. « Bien sûr, nous dit Fumito Ueda, il y a bien des points communs dans le style général, mais la mécanique de base est totalement nouvelle. Dans Ico, on tente de s'échapper d'un donjon fermé vers la liberté. » Dans Shadow, on débute au cœur d'immenses plaines à la recherche d'un ennemi que l'on devra infiltrer. Toutes les sensations sont totalement différentes. Le journaliste lui demande « Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir lors de la sortie d'un de vos jeux ? Les bonnes ventes d'un jeu ou les bonnes critiques ?» Alors Monsieur Ueda répond « Le plus important, ce n'est pas le nombre d'exemplaires du soft qui vont se vendre, mais la manière dont les gens vont être marqués par le jeu, en bien, en mal, de manière légère ou profonde. » Mais il ne faut pas oublier les ventes non plus. Rire. Autre question. Ico et Shadow of the Colossus, comme Katamari Damacy ou Lumines, sont devenus des cautions artistiques du jeu vidéo. Cela vous touche-t-il ? Monsieur Ueda répond énormément, même si nous avons été surpris d'un tel engouement. Savez-vous qu'un psychologue français, donc on demande à Monsieur Ueda, a utilisé Ico comme outil de thérapie ? Alors, je fais encore une parenthèse, je ne sais pas si vous aviez suivi ça à l'époque, mais c'est totalement vrai. Et Monsieur Ueda répond « Ah bon, c'est vraiment incroyable jusqu'où les choses vont, c'est assez vertigineux. » On lui pose cette autre question « Pensez-vous qu'il reste du chemin à faire avant que les créateurs de jeux vidéo reçoivent une reconnaissance comparable à celle des autres artistes ?» Et donc Fumito Ueda répond « Il faudrait en effet que les hommes qui conçoivent et qui créent un jeu obtiennent davantage de reconnaissance. Le nom de game designer devrait être la marque de fabrique du jeu, le gage de sa qualité ou de son style, comme cela se passe dans le cinéma ou la littérature. » Un homme comme Hideo Kojima a fait beaucoup avancer les choses en ce sens. Et il est vrai qu'on peut constater que plus de 10 ans après, c'est pas encore ça, mais de plus en plus de noms sont devenus quand même des cautions et des arguments pour vendre des jeux, ou tout du moins pour leur faire gagner une sorte d'aura médiatique. Dernière question qu'on pose à Monsieur Kaido et Fumito Ueda, hors du jeu, qu'aimez-vous dans la vie ? Alors, Fumito Ueda répond, « Récemment, j'ai été fortement marqué par un film d'Aremo Shiranai, plus connu par chez nous sous le nom de Nobody Knows. » Et Keiji Kaido répond « J'adore regarder les chaînes de sport en continu. » Et Fumito Ueda de répondre « Vous n'êtes pas déçu de sa réponse, j'espère. » Cette petite interview, alors, qui n'est pas aussi fournie que celle qu'on a pu voir là ces dernières années, où Fumito Ueda est devenu une véritable star, un véritable même, mentor pour certains. Je trouvais ça sympa de revenir sur cette petite interview. Et donc, j'aimerais vous parler de la critique de Gia sur Shadow of the Colossus et vous lire la dernière partie du texte où Gia nous décrit donc ce qu'elle pense du chef-d'œuvre de Fumito Ueda. Elle nous dit « La magie de l'histoire se mêle à la bravoure des actes, à la pureté de l'amour, mais aussi à cette vague impression de ne pas œuvrer pour le bien, comme si l'issue de cette quête était vouée dès le départ à être un échec dramatique. À la différence des jeux d'aventure souvent simplistes et manichéens, chaque titan qui s'écroule vous fera même ressentir une certaine tristesse. Qu'importe, la vie de votre bien-aimé compte plus que tout, plus que ses âmes perdues, plus que l'équilibre du monde. C'est pour ce troc injuste que vous vous battez, tout en sachant au fond de vous que votre quête n'est pas tout à fait innocente. Même si l'on souhaite qu'elle ne se finisse jamais, et même si le jeu reste difficile pour les débutants, connaître la fin de cette tragédie est crucial pour comprendre cet univers mystérieux. Chose exceptionnelle pour un jeu, la fin éblouissante réussira à extorquer des larmes d'émotion, même aux cœurs les plus endurcis. À partir d'un principe qui pourrait se résumer à une enfilade de boss, Shadow of the Colossus a surpris la planète entière et personne ne s'attendait à un tel résultat. Défiant toutes les conventions du jeu vidéo, ce titre nous prouve bien que l'originalité paye. Ne renouvelons pas l'erreur Ico, plébiscitons sans tarder cette nouvelle œuvre majeure. » Et oui, puisque Ico, au niveau des ventes, ça n'avait pas été folichon. Sachant qu'à ce jour, Shadow of the Colossus, déjà dans sa version PS2 cumulée, portage PS3, est le jeu de Fumito Ueda le plus vendu. avec le remake qui vient de sortir et ses critiques dithyrambiques par pelleté, je pense que ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est le jeu de Fumito Ueda le mieux noté sur Metacritic, alors qu'il n'a pas été celui-ci directement fait par Fumito Ueda, puisque c'est le studio Blue Points qui s'est occupé du portage. Mais enfin, vous allez me dire, ça revient au même, puisque le jeu est à la base de Fumito Ueda. Bref, je vais quand même vous lire la conclusion, l'ultime conclusion de Gia, toujours aussi enthousiaste face au jeu. Elle nous décrit ça, elle nous dit « Je viens de vivre la fin du jeu, et c'est les yeux mouillés, des images touchantes plein la tête et les doigts tremblotants que j'essaie de vous décrire le voyage que je viens de faire. » C'est émouvant, c'est beau, c'est grand. Malgré ses problèmes de caméra et certains décors grossiers, cette épreuve intense et courte m'a laissé sans voix. Shadow of the Colossus se hisse au niveau divin d'Ico et, tout comme lui, c'est une expérience à vivre absolument, même s'il vous faut pour cela investir dans une PlayStation 2. Voilà. Et c'est vrai que les yeux en larmes, les mains tremblotantes et l'impression d'avoir vécu quelque chose à nul autre pareil, hein, moi je l'ai ressenti à la fin de The Last Guardian, même si je sais que le jeu fait débat. Moi, c'est un de mes plus grands chocs de ma vie, voyez-vous. Voilà, c'était tout pour cette revue de presse rétro. J'espère qu'elle vous a plu. J'essaie de varier un petit peu la formule, hein, tantôt un grand texte, tantôt plein d'extraits, tantôt 2-3 extraits de longueur moyenne. Écoute, j'essaie de varier, voilà. Écoutez, pour que ce soit pas trop redondant pour vous. Alors, j'espère que ça vous a plu. Pour cette revue de presse rétro de la semaine, j'ai envie de vous lire un texte. Alors pas entièrement, puisqu'il est extrêmement long, et je pense que ça pourrait faire une bonne demi-heure si je lisais d'un bout à l'autre. C'est un dossier qui s'appelle Japan Game Now, qui a été publié dans Edge, dans le supplément Edge, hein, traduit en français d'ailleurs, hein, supplément gratuit au Joypad 182, un Joypad qui date du 25 janvier 2008, donc il y a 10 ans de cela. Et cet article est un regard tourné vers la situation du jeu vidéo au Japon, et je le trouve extrêmement intéressant quand on sait ce qui s'est passé, que ce soit pour la DS, pour la Wii, pour la PlayStation 3, qui a eu un démarrage difficile mais qui s'est bien rattrapé par la suite. Quand on voit aujourd'hui qu'on parle d'un retour en force de Nintendo, vous allez voir que cet article est très intéressant à plus d'un titre, car il nous permet de nous replonger dans le contexte de l'époque. Alors, c'est un bloc, hein, que je vais vous lire comme ceci. J'espère que cela va vous intéresser. Moi, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de très, très pertinent dans ce papier, surtout en le regardant maintenant, hein, rétrospectivement. Je vais vous en tirer quelques grands passages et j'espère que cela va vous plaire. Quand Satoru Iwata devint PDG de Nintendo en 2002, peu auraient prédit qu'il changerait l'image du jeu vidéo. L'ambition qu'il avait d'emmener le jeu au-delà de son public traditionnel, répondant aux besoins d'un marché en régression constante, a irréversiblement modifié le paysage ludique japonais. On peut quasiment parler de la scène ludique japonaise dans le contexte d'un vague passé florissant, similaire à ce que l'influence nippone est en train d'accomplir à travers l'industrie tout entière. Mais peut-être ces innovations sont-elles si omniprésentes qu'on ne peut plus les observer qu'à distance. Plutôt que de considérer le jeu vidéo japonais sous l'angle des titres tordus aux couleurs criardes sous fond de J-pop, que dire de Brain Training, Wii Fit ou Talkmon, le titre PSP qui traduit les signes vocaux en plusieurs langues. Et si le concept de jeu devenait synonyme de intuitif? Ces dernières années, l'influence et le succès de l'industrie japonaise du jeu vidéo sont indissociables de l'incroyable retour de Nintendo. Une histoire si ressassée que la DS et la Wii s'en sont retrouvées au rang de gadgets éphémères, avec trop peu de titres hardcore et une obsession pour les ventes au détriment des softs. Certes, la valse incessante de records de ventes de la DS et des ruptures de stock de la Wii est répétitive, mais le renouveau apporté par ces consoles et sa signification pour l'avenir ont suscité une certaine amertume. La DS de Nintendo est devenue la pierre angulaire d'un nouveau marché ludique au Japon, et un vrai phénomène social. Mais pourquoi ? Au début, les nouvelles opportunités d'interface offertes par l'écran tactile et le micro combiné à la croix numérique et au bouton semblaient cruciales. Le sobriquet pour désigner cette nouvelle communauté de joueurs en témoigne, la Touch Generation était née, et avec elle une foule d'opportunités nouvelles et surprenantes. Très vite, la proportion de joueuses se mit à croître pour dépasser celle des hommes. Le chiffre de 53% circule. Et Nintendo s'intéressa de près au design lui-même, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec les caractéristiques techniques. Le passage de la DS en DS Lite, fut une réponse directe à cette population croissante de joueurs, donnant naissance à un objet menu et désirable, moins facilement identifiable à une machine de jeu que son aïeul argenté. Il suffit de visiter le rayon DS d'une boutique pour constater son explosion en termes de taille, mais aussi son expansion à travers les diverses couches démographiques. Il est aussi vrai que l'interface de la DS a permis aux créatifs de se concentrer à nouveau sur le concept central du jeu vidéo, comme à l'âge d'or de la Famicom, quand les graphismes étaient primitifs et le concept essentiel. Les initiales DS sont couramment interprétées comme signifiant « dual screen », ce qui n'est pour Nintendo qu'un sens secondaire, l'acception primaire étant « developer's system ». Jusqu'ici, il ne fait aucun doute que le Developer's System a tenu ses promesses d'innovation, mais d'une manière fort différente de Brain Training et consorts. On sait que la DS fait désormais partie de la vie de tous les jours au Japon. De nombreuses sociétés développent pour elle du non-ludique, comme des utilitaires ou des softs éducatifs. Le TEIC, un test international d'anglais des affaires, peut se préparer sur DS. Des possesseurs de DS l'utilisent pour surveiller leur santé. L'explorateur DS servant même à diffuser les résultats de tests. L'edutainment s'est imposé comme un concept clé de la ludothèque DS. Il est de plus en plus courant de retrouver des softs DS dans les pharmacies et librairies, une évolution d'autant plus officielle que Nintendo compte désormais parmi ses clients des écoles et des universités. Si la pérennité de son succès semble assurée, tout n'est pas pour autant gagné d'avance sur le marché des consoles, si ce n'est pour Nintendo lui-même. Selon une analyse de Nintendo publiée fin 2006, le taux d'attachement moyen est de 3,9 jeux par console. Aussi saine que paraît sa situation, il faudra attendre de voir si ce niveau sera maintenu à l'avenir au vu de la nature des softs qui ont rencontré le plus de succès, dans la mesure où des applications fonctionnelles et dédiées diffèrent grandement des jeux traditionnels. Brain Training 2, alors je rappelle que Brain Training, hein, c'est l'entraînement cérébral du Dr. Kawashima. Donc Brain Training 2 intéressera le joueur pour ses nouvelles épreuves et fonctionnalités, mais il n'a rien d'une suite ni d'une mise à jour essentielle. Les développeurs sont divisés autour de l'énorme marché potentiel créé par Nintendo. Une opportunité majeure avec son lot de défis ambitieux et l'éventuel danger qu'elle représente pour l'industrie. De toute évidence, Nintendo a toujours produit et produira toujours les plus gros best-sellers sur ses consoles. Tandis que la quasi-totalité des jeux Nintendo est un succès commercial, les éditeurs tiers doivent sortir plusieurs titres dans l'espoir que le succès de l'un permettra de financer les autres. Il n'est pas irréaliste de penser que la DS, inspiratrice principale de ce boom mondial des titres grand public, pourrait aussi être saturée de titres de basse qualité, entraînant ainsi à l'avenir une sorte de crash du marché. Alors un peu plus loin dans ce dossier, qui est très très long, on nous dit « Et dans tout ça, où sont les représentants de la scène vidéoludique traditionnelle, ceux qui achètent des 360 et des PS3, incluant Virtua Fighter 5 et Ridge Racer ? La perception d'une tendance nouvelle, les éditeurs japonais semblant viser de plus en plus le marché occidental au détriment du domestique, a créé à ce niveau un certain malaise. La sous-traitance fait aussi partie de ces stratégies. Il y a 10 ans, Nintendo n'aurait jamais confié le développement d'une licence Metroid à un studio américain. Les épreuves endurées par la PS3 illustrent bien le problème. Actuellement, sa ludothèque est dominée par des titres occidentaux qui n'attirent pas les Japonais. Les développeurs attendent une baisse de prix significative pour se lancer sur le marché PS3, donnant enfin naissance à des projets qui restent bloqués au stade conceptuel. Un cap qui pourrait avoir été franchi avec l'annonce par Sony d'une version 40Go pour le Japon à 39 980 yens, ce qui nous fait pour l'époque environ 240€. Le prix que les développeurs appelaient de leur vœu. Étrangement, Sony attendit la fin du Tokyo Game Show pour annoncer la bonne nouvelle, ratant l'occasion d'un beau battage médiatique. Que jusqu'à l'arrivée de la DS, une combinaison de facteurs avait vu les ventes de jeux japonais, donc sur le territoire, bien sûr sur l'archipel, s'effriter lentement mais sûrement. En interrogeant des joueurs japonais au TGS à propos des sorties de 2008, on constate que Metal Gear Solid 4 et Final Fantasy 13 semblent attendus par un groupe certes constitué de fans absolus, mais aux proportions somme toute modestes, tandis que le jeu le plus désiré n'est autre que Dragon Quest 9. Dans ce contexte, rien d'étonnant à ce que Square Enix ait choisi d'en faire une exclue DS. La scène vidéoludique nippone est animée tant par des raz-de-marée que par des lames de fond invisibles. Le succès durable de Nintendo, aussi bien sur un plan financier que créatif, est un fait. Mais les questions de saturation du marché ne disparaîtront pas par magie, et nul ne sait quel sort attend la Wii à long terme. Dans une posture qu'on ne lui connaissait guère, Sony s'efforce de rattraper son handicap, et des éditeurs jusqu'ici dévoués à la marque PlayStation commencent à s'ouvrir à d'autres opportunités, tandis que d'autres cèdent leurs licences les plus populaires pour des machines de pachinko ou de pachinslo. Mais les nouveaux marchés ouverts essentiellement par la DS1 prospèrent et l'industrie du jeu console et arcade s'est adaptée avec succès à ces nouvelles attentes. Le dernier jeu non japonais à cartonner au Japon fut la version PlayStation 2 de GTA San Andreas, environ 300 000 ventes, mais depuis ce jour, de nombreuses sociétés occidentales ont tenté de promouvoir des titres qui n'ont que peu de chances de réussir. Certes, certains jeux comme Gears of War suscitent l'admiration pour leur vente à l'étranger ou leur qualité technique, mais cela ne se traduit presque jamais par un succès sur le marché. Le prestige culturel du jeu vidéo est plus important au Japon qu'ailleurs, et il occupe une plus large proportion de l'industrie du loisir qu'en Occident. Derrière cette belle mécanique se cache un modèle qui donne aux gens ce qu'ils désirent, un modèle dont les bénéfices se feraient ressentir n'importe où sur la planète. J'espère que ce texte vous a plu. Comme je vous le disais en introduction de cette rubrique Revue de presse rétro, je le trouve très intéressant, surtout en le prenant avec le recul qu'on peut avoir aujourd'hui. Et je pense qu'on peut désormais s'acheminer vers la fin de cette édition. Le Tokyo Toy Show est un des salons les plus importants en matière de jeux vidéo au Japon. Et cette année 1994 a battu tous les records, malgré l'absence remarquée d'un certain Nintendo. En effet, les principaux éditeurs sur Mega Drive, Super Famicom et NEC proposaient leurs prochains titres, mais surtout, on ne comptait pas moins de 6 nouvelles machines en présentation. J'y étais pour votre plus grand plaisir, histoire de récolter une tonne d'infos, et je vous présente ainsi ces nouvelles machines qui, à n'en pas douter, vont faire saliver les gamers du monde entier. On commence avec la Sega Saturn, qui était là vraiment l'une des attractions principales du salon. Elle était sur le village Sega et on pouvait donc découvrir non seulement la Sega Saturn mais également la Super 32X. De nombreuses démos Sega Saturn tournaient, dont les très attendus Daytona USA Virtua Fighter, qui était le clou du salon malgré son avancement seulement à 30%, et Virtua Cop, le prochain méga hit de l'équipe AM2 responsable des Virtua, que ce soit Racing ou Fighter. Pour les détails croustillants, sachez que le nouveau nom de la Saturn est donc Sega Saturn, avec un S majuscule au milieu, attention, comme on peut l'admirer sur le logo de la machine. On a découvert la manette de 6 boutons qui reprend le design de celle qui existe déjà pour la Mega Drive, le tout étant métallisé. C'est absolument magnifique. La fiche technique définitive de la Sega Saturn a été également dévoilée, mais on a aussi découvert la Super 32X, appelée en Europe Mega Drive 32. Je pense que vous en avez entendu parler. Donc si les jeux présentés sur les deux machines auguraient du meilleur, quelques imprécisions sont à noter quant à la sortie au Japon de la Sega Saturn. La Super 32X est prévue pour cet automne au prix de 14 800 yens, ce qui nous fait à peu près 800 francs, et, fait troublant, la sortie de la Sega Saturn semble être prévue aussi pour la même date au Japon. Bon, dans un sens c'est normal, la Super 32X n'est absolument pas destinée aux Japonais mais aux Américains et Européens. Les plans de Sega Japon sont les suivants. Vu la baisse mondiale des ventes, Sega va d'abord lancer la Sega Saturn dans son pays, où la Mega Drive a peu de supporters, il faut le reconnaître, pour ensuite attaquer le marché américain. Voilà pourquoi le Super 32X est prévu aux États-Unis pour novembre et la Sega Saturn plus tard. Et l'Europe, finalement? Eh bien l'Europe est un peu le cadet des soucis de Sega, qui n'a pas prévu pour l'instant de sortir la Sega Saturn pour les petits français. On se demande même quand la Mega Drive 32 annoncée par Sega France arrivera. Après les multiples hésitations de Nintendo à proposer son Super Famicom Booster, un adaptateur 32 bits pour la Super Famicom, après l'abandon du CD-ROM, après la démo à Chicago des premières images de son projet 64 bits, Sega veut réagir vite et surtout, une fois de plus, longtemps avant Nintendo. Et je ne parle pas de l'impression qu'a faite la PSX de Sony sur les responsables de Sega. Le design de la Saturn n'a-t-il pas changé de couleur au dernier moment, juste après une première présentation bidon de la PlayStation sous la forme d'un lecteur CD métallisé déguisé en console de jeu? Bizarre tout ça. Enfin bref, la guerre est déclarée. Et donc Sony a présenté au Tokyo Toy Show 94 sa PlayStation. Sony l'a fait il y a plus d'un an, La firme annonçait officiellement son entrée dans la course aux nouvelles consoles lancées par Sega et Nintendo. Le projet a gardé son nom initial, à savoir PlayStation ou PSX, et ce projet est devenu en fait une réalité lors de la présentation de la machine au Tokyo Toy Show. La PlayStation, tel est son vrai nom officiel, retenez-le, est une console 32 bits utilisant des jeux sur CD-ROM. La couleur de la machine est gris clair, et l'on peut dire que la PSX est plutôt mince. Ses dimensions sont 25 cm de largeur sur 20 cm de profondeur. L'atout principal de la console est de pouvoir gérer 360 000 polygones par seconde contre 240 000 pour la Sega Saturn. La différence, c'est quand même à noter. À cette vitesse, la 3D devient tout de suite beaucoup plus fluide, no problemo là-dessus. De toute façon, il suffit de lire les caractéristiques techniques pour se rendre compte de la puissance de cette machine. Mais le plus impressionnant reste les démos de jeux qui ont été révélés au public chanceux, qui passait au Tokyo Toy Show. La liste des éditeurs et des jeux en préparation sur la machine de Sony est elle aussi impressionnante. Le total des développeurs pour la PSX au Japon atteint 164. 108 de ces sociétés prévoient de sortir rapidement des jeux, et déjà 28 jeux sont en cours de développement. Lors de la sortie de la machine, prévue pour novembre à un prix de 50 000 yens, soit 2500 francs environ, 27 jeux seront terminés et donc en vente. Les titres les plus prestigieux sont sans conteste Ridge Racer, Cyber Seed ou encore Ultimate Parodius. Alors il faut savoir que la manette de la PSX contient pas moins de 14 boutons. On est tout de suite surpris par les manettes de la console qui sont tout bonnement blindées de boutons. Il y en a partout. On retrouve les 4 curseurs ainsi que 4 boutons action qui font fortement penser à une autre console. On peut poser la manette sur une table et on trouve 2 boutons frontaux à droite et à gauche. Parmi les démos qui tournaient de jeux, on a pu voir du Race Drive-In, du Red Prime, du Hamlet, du Aura 194, mais c'est surtout Ridge Racer qui a fait sensation. Et donc pour contrer le futur Daytona USA sur Sega Saturn, il paraissait de toute façon évident que Sony allait s'allier à Namco pour l'adaptation de ce grand succès d'arcade qu'est Ridge Racer. Il y a eu aussi du Aquanaut, du Zero Divide. Zero Divide, je le rappelle, c'est un jeu qui m'enseigne des robots, beaucoup de robots, à travers un bon gros jeu de baston bien violent. Alors, il y a eu beaucoup de machines. Effectivement, je vous parle de la Sega Saturn et de la PlayStation, puisque ce sont vraiment celles qui ont fait le plus parler. C'est celles en qui sont mis les plus grands espoirs, que ce soit côté presse ou côté gamer. Mais il y a eu aussi une petite surprise en la personne de la Neo Geo CD. Ça faisait quelques mois que l'annonce d'un lecteur CD pour la console Neo Geo avait été faite, mais on n'y croyait plus vraiment. Mais Senka avait prédit il y a 2 mois qu'une nouvelle console sortirait avec un support CD, une console qui se faisait appeler Neo Star. Mais nous avons découvert la version définitive de ce qu'on appelle la Neo Geo CD, puisque c'est comme ça que vous devrez l'appeler désormais. Il s'agit plus d'un lecteur de CD adjoint Neo Geo amélioré que d'une nouvelle console. Mais bon, ça a quand même fait son petit effet, malgré la petite déception. Mais bon, il faut savoir que cette nouvelle Neo Geo a exactement les mêmes capacités que l'ancienne. Alors, où est la surprise, me demanderez-vous? Eh ben dans le support CD et son énorme place mémoire, non. Non plus, car les cartouches étaient déjà gonflées à bloc. De plus, les accès risquent d'être nombreux, entre 2 levels par exemple, et long, SNK prévoit de 12 à 29 secondes. Mais alors, quel est l'intérêt de cette machine? Eh bien, la surprise réside dans le prix des jeux CD qui sera extrêmement bas, comparé à celui des cartouches. Il ne faudra payer que 220 francs pour les vieux jeux et 430 francs pour les jeux les plus récents. Et vous allez pouvoir jouer à Samurai Shodown, un des premiers CD prévus, pour 220 francs. Avouez que c'est quand même sympa. Parmi les premiers jeux, on pourra compter sur Azo 2, Nam 1975, Fatal Fury 1, 2 et Special, King of the Monster 2, Ghost Pilot, The Super Spy, Samurai Spirit, Joy Joy Kid, Super Sidekick 2, Top Hunter, Top Player Golf, Burning Fight, Football Frenzy, Baseball Star 2, Baseball Star Professional, Mutation Nation, Last Resort, Magnifique Shoot, League Bowling, Art of Fighting 1 et 2, Robo Army, etc. On aura ensuite droit à des compilations. Je ne vous donne pas de fiches techniques car elle suit rigoureusement celle de l'ancienne Neo Geo avec un 68000 et un Z80. On ne trouvera pas de memory card, mais une mémoire de sauvegarde interne. La mémoire principale de la console sera de 56 mégabits, dont 34 seront réservés au temps d'accès du CD-ROM. Et vu comment ça va être long, c'est déjà pas dommage, permettez-moi de vous le dire. La console est prévue pour le 9 septembre de cette année et son prix sera de 49 800 yens, ce qui équivaut grosso modo à 2500 francs. Autre petite surprise, la PAX, la console en plastique bleu. C'est Bandai qui a présenté une nouvelle console lors du salon et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on se serait cru un 1er avril. Ce n'en est fait certainement pas avec ce prototype tout louche que Bandai risque de se payer une place au soleil du marché des nouvelles consoles 32 bits. Malgré son prix relativement bas, 29 800 yens, hein, soit à peu près 1600 francs, cette console est en train de bien faire rire Sega, Nintendo, NEC et même SNK. Pourquoi ? Parce que c'est Bandai déjà, hein, et ensuite parce que ses caractéristiques techniques et sa finition ne sont pas d'actualité. Je m'explique, cette console est quand même une 32 bits et son support est le CD, mais elle ne tombe pas du tout au bon moment vu la concurrence violente. De plus, il n'y a pour l'instant qu'un éditeur qui développe sur la console, Bandai. Hein. Avouez que c'est quand même bon, c'est quand même spécial. Alors l'explication est simple en fait, hein. Bandai va brader une console très bon marché pour se faire de l'argent, avec des jeux basés sur les héros des dessins animés qui marchent. Les jeux seront beaux, mais injouables. Et on va en trouver 3 ou 4 pour Noël. Les éditeurs du genre Capcom, Konami ne penseront jamais à développer dessus. Même le nom de la console est risible, la BAX. Et pourquoi pas PSX, hein, pendant qu'on y est. Donc la manette est infrarouge et comporte 2 boutons. Elle vient s'encastrer dans la console, qui peut devenir alors un simple lecteur de CD, de CDG hein, pour le karaoké, et pourquoi pas de CD vidéo, tout est possible. Quelques jeux originaux sont prévus, hein, avec de l'aventure, des animés interactifs et des quiz, pour faire autre chose que du Sailor Moon, du DBZ ou du Gundam. Une dizaine de jeux sont prévus pour mars 95. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis un petit peu dubitatif. Terminons enfin avec NEC, qui a enfin dévoilé sa FX. Enfin, entre vous et nous, elle a déjà été dévoilée le 13 mai dernier lors d'une réunion de développeurs sur le stand NEC PC Engine. Mais la FX de NEC, Home Electronic, était évidemment l'un des clous du Tokyo Toy Show. Même si ses rivales 32 bits étaient aussi présentes sur le salon, il est clair que le public japonais adore jouer sur PC Engine, et ce depuis bien longtemps. Je sais qu'il en va de même pour de nombreux passionnés en France, qui, comme au Japon, peuvent bénéficier d'une large baisse de prix pour les jeux en cartes et en CD-ROM. Mais revenons à l'avenir des jeux NEC. 22 compagnies présentaient 51 titres sur PC Engine et épaulaient efficacement NEC Home Electronic, qui mettait vraiment le paquet sur la FX et la PC Engine Duo RX. La Duo RX, on y viendra dans quelques minutes. Il est à noter, à ce propos, que le développement continue sur PC Engine, hein. La plupart en format CD-ROM, on va pas se cacher. NEC estimant que la FX n'a absolument rien à voir avec la PC Engine pour la bonne et simple raison qu'il s'agit d'une nouvelle technologie 32 bits et CD. Pas trop de soucis donc, hein, pour l'instant, pour les possesseurs de NEC Duo. Ceci souligne la volonté de NEC de ne pas rendre les deux machines compatibles entre elles. D'après leur dire, on ne pourra jouer à aucun jeu NEC PC Engine sur la FX. Certains observateurs avertis affirment que certains jeux pourraient être compatibles et que de toute façon, l'adaptateur pourrait bien voir le jour, les deux technologies pouvant permettre une certaine compatibilité. En ce qui concerne le look de la FX, la surprise est de taille puisque sa disposition est verticale. Verticale, vous entendez ? Pour une console, vous entendez, c'est quand même assez fou. Le chargement des CD-ROM se fait par le haut après ouverture de la machine. On distingue un bouton on-off, hein, impossible à rater de toute façon, et un compartiment fermé situé en dessous. Ce dernier est accessible par ouverture d'une porte et contient les slots à utiliser pour les mémoires de sauvegarde et autres extensions. Enfin, en dessous, on trouve les deux ports pour les manettes, 6 boutons. Les caractéristiques de la machine sont, comme pour la Sega Saturn et la PSX, définitives. Les quelques jeux présentés n'étaient qu'à 20% de leur développement et peu nombreux, mais auguraient évidemment de grandes choses. On se rappelle les débuts de la PC Engine, hein, qui dépotait pas mal avant même l'arrivée des premiers jeux Mega Drive et Super Famicom sans même posséder de technologie 16 bits. C'est une 8 bits améliorée et bien épaulée par des copros spécifiques. Toujours bon de le rappeler ça aussi. On imagine donc aisément ce que pourraient donner des jeux FX quand on se projette dans le passé et que l'on se rappelle la fluidité légendaire des shoots sur PC Engine par exemple. Des titres comme Superstar Soldier 2, Is 5, Far East of Eden 4, New PC Kid, Cosmic Fantasy 5, Dragon Knight 4, Darius FX sont même sur toutes les bouches. La FX doit être commercialisée en novembre au Japon. Alors en France, mystère et boule de gomme. Seuls 3 à 5 jeux seront disponibles lors de sa date de sortie, et on ne sait rien d'eux car il semble difficile que FX Fighter, par exemple, soit prêt pour novembre. Quoi qu'il en soit, un nombre évident important d'éditeurs travaillent sur de nombreux projets. En fait, tous les développeurs qui étaient auparavant, et le sont toujours d'ailleurs, sur NEC PC Engine, sont sur la FX. Et donc concernant la PC Engine Duo RX, alors vous le savez, la PC Engine Duo, c'est une PC Engine auquel est adjoint un lecteur Super CD-ROM 2. Il y a eu la version R et voici la version Duo RX qui ressemble hein, vraiment à ses grandes sœurs, si ce n'est qu'il y a un gros pad à 6 boutons qui vient agrémenter la bête. C'est un petit peu, si vous voulez, la version ultime de la Duo. Terminons enfin avec un petit mot sur FX Fighter, qui était sans doute le jeu le plus impressionnant sur NEC FX, hein, et qui met en scène deux personnages pour un beat'em up d'une nouvelle génération. La technique employée est en effet spéciale, hein, puisque les personnages ont été créés à base de polygones. Les polygones sont en effet à arêtes courbées, et en grand nombre pour que la modélisation des personnages soit la plus réaliste possible. Très impressionnant, alors n'allez pas croire que la machine gère les polygones qui constituent les personnages, ceux-ci ont en effet d'abord été créés sur de gros ordinateurs avant d'être digitalisés et transférés sur FX. En fait, pour info, hein, la FX ne considère plus les combattants comme des formes, mais comme des animations d'images précalculées. Ces animations ne sont pas générées par le processeur 32 bits, mais par un coprocesseur spécial d'animation qui libère le processeur central. En tout cas, le résultat est assez impressionnant. Et parmi les jeux FX présentés, il y avait aussi Battle Heat, un jeu de baston à la fluidité impressionnante. Team Innocent, un jeu d'aventure 3D mettant en scène trois jeunes filles évoluant dans un univers de science-fiction. Un univers de science-fiction qui fait un petit peu penser à Cobra. Street Fight aussi. Alors, Street Fight, un nom un petit peu opportuniste, hein, n'est-ce pas ? Donc c'est des bastons de rue, alors basés sur des animations, mais pas en dessin animé, ni en polygone mappé, mais en séquence de motion vidéo. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, le résultat avait l'air un petit peu ridicule, comparé surtout à FX Fighter, mais le jeu a le mérite d'être là. C'est vraiment ce que je voulais vous dire sur le Tokyo Toy Show, et j'espère que ce report, vous fans de jeux vidéo japonais et de consoles japonaises surtout, vous aura satisfait. A ciao les cocos, et à très vite sur cette antenne. Quoi de mieux pour commencer que Resident Evil 2, Resident Evil 2, dont le remake vient fraîchement de sortir. Resident Evil 2, c'est l'un de mes jeux cultes, c'est l'un des jeux que j'ai le plus vraiment essoré à l'époque et régulièrement depuis, je le connais vraiment par cœur. Les scénarios A et B de Claire et Léon en moins de 3 heures, avec une seule plante, bref, etc. Je le connaissais sur le bout des doigts, et ce remake est absolument exceptionnel. Même si vous n'êtes pas forcément fan de la série, c'est vrai que moi je suis vraiment un gros, vraiment fan hardcore de RE, hein, depuis toujours. Mais même si vous n'êtes pas fan de la série, si vous aimez les jeux horrifiques, vraiment, foncez, voilà. Ce remake est absolument fantastique. Et j'avais envie donc de revenir pour cette 30e revue de presse rétro sur l'accueil critique de Resident Evil 2, non seulement via la presse française, mais aussi on va parler un peu de presse anglo-saxonne. J'ai été de mes traductions pour vous, messieurs, dames, bien sûr. Alors je rappelle que Resident Evil 2 est sorti en premier lieu aux États-Unis, hein, le 21 janvier 1998, donc sur PlayStation. Il est sorti le 29 janvier 1998. Toujours bien sûr au Japon, et il a fallu attendre, pour nous autres pauvres Européens, le 29 avril. Sachant qu'à l'époque, j'avais ma version US, et celle que j'ai toujours gardée d'ailleurs sur PS1. Et donc direction, Joypad, le numéro 73, plus exactement, de mars 1998, où donc cette version américaine de Resident Evil 2 est testée. Avec la note de 8 sur 10. Alors, il y a une note, même si ce papier est inclus dans la rubrique Zoom, c'est-à-dire que le texte n'est pas bien long. Je pense que le jeu a dû être reçu peu de temps avant le bouclage, et c'était histoire quand même, voilà, de donner un avis sur Resident Evil 2. D'ailleurs, le papier n'est pas signé, mais en tout cas, c'est un 8 sur 10. Et Joypad nous dit « Un jeu unique, parfaitement réalisé, qui surpasse à tous les niveaux le premier opus. Cependant, il souffre, malgré la présence de 4 missions, d'une durée de vie assez courte. » Alors là, moi, je suis pas du tout d'accord, mais enfin, là, ça ne regarde que moi. Le niveau de difficulté étant, hélas, assez peu élevé, à savourer de toute urgence. Peut-être moins costaud que le premier, mais j'ai quand même souvenir que Resident Evil 2 avait quand même des passages assez ardus. En tout cas, c'était un 8 sur 10 pour Joypad dans ce zoom, avec cette accroche. Une suite magistrale. Alors maintenant, on va bondir chez Console Plus, numéro 74, mars 98. Là, c'est vraiment la formule test classique de Console Plus. 95%, Nico nous dit « Moi qui n'avais jamais touché au premier épisode, je dois avouer que ce Resident Evil 2 m'a bien plu. S'il est vrai que le jeu est facile, car très linéaire, il est intéressant à plus d'un point. Les graphismes sont d'une excellente qualité. » Les scènes en images de synthèse sont notamment époustouflantes, l'ambiance musicale est angoissante à souhait et les nouveaux scénarios proposés en fin de partie relancent l'intérêt. Mais ce qui est le plus amusant finalement, c'est d'exposer les zombies à coups de fusil à pompe. Voilà donc 95%, la conclusion du test dans le tableau hein, des notes nous dit « Resident Evil 2 est un monument de l'horreur qui marquera à jamais l'histoire de la PlayStation, une aventure dantesque ». Et là donc on bifurque sur Player One, le numéro de mai 1998, pardon. Donc là c'est la version française qui est testée puisque j'ai souvenir, il me semble que Player One n'aimait pas faire de tests import. Les jeux import étaient vraiment traités même dans leur sortie dans la partie news. Si je ne fais erreur, hein, vous me direz ça, mais vraiment je suis quasiment certain hein, qu'il n'y avait pas de test import hein, dans Player One. Donc là c'est la version française, européenne hein, de Resident Evil 2, 97% avec un player phone de 98%, pardon. C'est Wolfen hein, qui l'avait testé, qui nous dit en résumé Resident Evil 2 est tout simplement un chef-d'œuvre. Décor en 2D somptueux, monstres et persos 3D irréprochables. Seuls les personnages et les monstres sont animés, mais de quelle façon? L'environnement sonore est excellent, bruitage et musique de circonstance. Vous pouvez acheter donc le jeu les yeux fermés. Sachez toutefois, nous dit Wolfen, que le jeu n'est pas recommandé aux âmes sensibles et qu'il est franchement déconseillé aux nourrissons qui pourraient rayer le disque en essayant de le manger. Très bonne vanne, j'avoue, très très bonne vanne. Donc bel accueil hein, de Player One, où vraiment le jeu est assez encensé dans toutes ses pages. Et du coup, on retourne chez Joypad sur le numéro de mai 1998, puisque là la version française est arrivée, donc on a un test un petit peu plus complet, conséquent. 8 sur 10, hein. Le jeu écope donc la note de 8 sur 10. Chris nous dit Resident Evil 2 fait partie de ces réalisations somptueuses vouées à un succès planétaire. S'essayer un jeu pareil, c'est sacrifier quelques dizaines d'heures de sa vie au plaisir ludique le plus absolu et n'être en fin de compte déçu que parce que le jeu a une fin. Un jeu mortel. TSR nous dit peu de jeux peuvent rivaliser avec Resident Evil 2. Une fois encore, la version française bénéficie d'un sous-titrage plutôt réussi. Toutefois, on vient à bout de cette suite trop facilement. Sans doute Capcom a-t-il préféré faire un produit plus grand public. Néanmoins, le tout reste génial. Alors, c'est intéressant puisque je ne me souvenais plus du tout que le jeu avait été jugé trop facile à l'époque puisque vraiment, quand on voulait faire les 4 scénarios et de fort belle manière, je dirais, avec le beau geste, j'ai envie de dire, il me semblait quand même que voilà, c'était quand même coton par moment. Donc, bon. Voilà, écoutez, je ne sais pas, peut-être que mes souvenirs me trahissent aussi. En tout cas, très bel accueil sur Joypad. Mais ce n'est pas fini, puisque la presse anglo-saxonne de l'époque aussi a accueilli Resident Evil 2 les bras grands ouverts, j'ai envie de vous dire. Alors j'ai réussi à retrouver des archives sur le net, mais aussi en presse papier, vous allez voir ça. Trois archives anglo-saxonnes. La première, c'est le site GameSpot, hein, qui existait déjà à l'époque, hein, qui nous dit « Resident Evil 2 est l'un des jeux les plus divertissants auxquels nous avons joué. Avec ses angles de caméra uniques, son scénario, ses graphismes, ses effets sonores et sa musique, il ressemble plus à un produit hollywoodien qu'à un jeu vidéo. » Et ça, c'est étonnant. C'est une approche très très étonnante. Vous voyez que les jeux qui voulaient singer le cinéma à l'époque, c'était pas toujours non plus super bien perçu. En tout cas, il nous dit « RE2 surpasse son prédécesseur dans presque tous les aspects du gameplay. » En bref, Capcom s'est surpassé. IGN, quant à lui, nous disait « Beaucoup de choses vraiment merveilleuses peuvent et seront dites par les critiques sur ce Resident Evil 2. C'est une très bonne suite, c'est un superbe jeu, il vous accaparera des heures durant. Mais ce n'est pas un grand saut dans le genre, ni une évolution majeure. Avec des titres de la quatrième vague comme Metal Gear Solid qui est en route, RE2 n'est pas tout à fait le pionnier que le premier épisode était. Cela dit, ce sera le jeu qui tournera dans ma PlayStation pour les prochaines semaines. » Et le magazine britannique Edge, lui, nous disait « Le plus grand compliment que l'on puisse faire à Resident Evil 2 et à son précurseur, son prédécesseur en tout cas, C'est qu'au cours des deux années qui se sont écoulées depuis la sortie de l'original, pas un seul titre ne s'en est approché. Une suite qui montre clairement la voie vers un avenir où les jeux et les films ne s'excluent pas mutuellement. C'est donc officiel, le film interactif n'est plus un sujet qui prête à rire. Là encore, vous voyez, c'est marrant parce que quand on parle de jeu qui se prend pour un film, avec le côté péjoratif hein, que ça, on pense surtout à David Cage, à pas mal de jeux comme ceci, alors que Resident Evil 2, nul doute que c'est vraiment un jeu qui propose du gameplay en permanence. Mais ce rapprochement avec le cinéma, effectivement, était vraiment mis en avant à l'époque, y compris pour premier épisode, hein, soyons clairs. Donc c'est intéressant de voir ces points de vue vraiment qui datent de la sortie du jeu. Mais ce n'est pas tout, mes amis. Puisque j'ai retrouvé une interview, et ça c'est grâce au site hein, shmuplation.com, qui collecte, qui traduit en anglais des interviews très souvent en japonais, des archives absolument précieuses. Et donc, il y a une interview sur ce site, hein, qui a été traduite en anglais, une interview qui était parue dans le numéro de juin 98 du magazine The PlayStation, donc un magazine nippon. Le réalisateur de Resident Evil 2, Hideki Kamiya, hein, futur papa de Devil May Cry, Beautiful Joe, Bayonetta, l'un des grands pontes de Platinum Games, et le scénariste Noboru Sugimura, qui avait notamment bossé sur la série Onimusha sur Clock Tower 3, et malheureusement, il nous a quittés en 2005. Ces deux personnes donc répondaient aux questions du magazine The PlayStation. J'ai donc pris cette interview et je voulais traduit vraiment ce que j'avais vraiment envie de vous en parler dans cette revue de presse rétro. Et donc le magazine revient tout d'abord sur Resident Evil 1.5, car vous le savez sûrement, il y avait eu une première version de Resident Evil 2 qui s'appelait, que les fans ont appelé en tout cas un Resident Evil 1.5 après. Effectivement, le jeu, à 60% de son développement, a été rebooté en interne. Shinji Mikami, qui était alors producteur sur le projet, alors qu'il était réalisateur hein, sur le premier, détestait voilà, la tournure un petit peu trop froide, moderne que prenait le jeu. Il y a eu pas mal d'événements aussi. Hein. Il y a une partie du staff après qui est partie sur Parasite F chez Squaresoft. Il y a eu pas mal de petites choses. Bref, en tout cas, le jeu a été rebooté. Et donc, le magazine The PlayStation amène Kamiya sur le sujet Resident Evil 1.5. Et donc, M. Kamiya nous répond « Nous avons demandé à M. Sugimura, scénariste professionnel, de jeter un coup d'œil au scénario complet de la version 1.5. C'était en fait son premier point de contact avec le développement. Quand il les a lus, il nous a dit « Vous devriez les réécrire ». Ouais, tout simplement. Resident Evil 1.5 était en fait terminé à environ 70% à l'époque. Oui, vous voyez, je vous ai dit 60%, mais c'était 70%. Le magazine demande quels étaient certains des problèmes spécifiques que vous avez vus avec l'histoire, le scénario, les scénarios même hein, des personnages de cette version 1.5, Monsieur Sugimura. Monsieur Sugimura répond, je le cite, « C'était trop réaliste. L'atmosphère sinistre du premier jeu, comme représentée dans des choses comme le manoir Spencer lui-même, la salle d'armure, les éléments clés, comme la boîte à bijoux, les pierres précieuses, etc. » Tout ceci avait disparu. Le commissariat de police a également été transformé en bâtiment très moderne. En conséquence, tout semblait trop actuel et étrangement stérile. Ça ne ressemblait pas à un Resident Evil. Bien sûr, faire table rase et repartir à zéro sur un projet qui est déjà terminé à 70% n'est pas une mince affaire. Et dans un sens, je pense que c'était une décision très courageuse de la part des développeurs et de M. Kamiya. Hideki Kamiya d'ailleurs rebondit là-dessus en nous disant, je le cite, « Certes, il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part de tout le monde lorsque nous avons appris que nous étions en train de le refaire. Nous nous étions dit, cette fois-ci, on va bien faire les choses. Par conséquent, nous avons dû accélérer le rythme de développement après cela. » Sur le système de zapping, vous le savez très certainement, dans Resident Evil 2, en tout cas dans la version PlayStation d'origine, vous choisissez au début le scénario de Claire ou le scénario de Léon, sachant que chaque personnage a aussi deux scénarios. Bref, certaines scènes faites entrecroiser les personnages, ce qui ne manque pas de donner quelques incohérences, mais enfin bon, moi j'ai jamais trouvé ça très gravissime personnellement. Bref, sur le système de zapping, le scénariste Monsieur Sugimura nous dit « Pour vous dire la vérité, j'étais en fait opposé au système de zapping. Je savais que tout le travail allait de devoir tisser des récits multiples, mais Monsieur Kamiya ne voulait pas reculer. C'est ce que je veux faire dans Resident Evil 2, nous disait-il. Kamiya est le genre de personne qui, une fois qu'il a une idée claire de ce qu'il veut faire, s'obstine à la défendre jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il a demandé. Maintenant que j'y pense, en parlant du zapping, les scènes du tyran ont aussi été ajoutées sur son insistance. » Et M. Kamiya nous dit, je le cite, « À l'origine, nous n'avions pas l'intention de ramener le tyran, puisqu'il était le dernier boss du premier jeu. Je disais qu'on devait faire de lui le tyran parfait et invincible cette fois. » Et donc c'est le fameux nouveau modèle de tyran, le fameux Mr. X, hein, qui préfigure d'ailleurs le Némésis de l'épisode 3. Le magazine japonais The PlayStation pose Cette autre question, pourquoi ne pas avoir réutilisé Chris et Jill pour ce deuxième épisode ? Alors Hideki Kamiya nous répond, je le cite, « Eh bien, contrairement à la série Street Fighter 2, la série Resident Evil n'avait pas beaucoup de personnages en cours. Nous avons donc voulu ajouter de nouveaux personnages pour cette suite. » Monsieur Sugimura, le scénariste, nous dit « Le Resident Evil original était vraiment basé sur la survie. La motivation de Jill et Chris était simplement d'échapper au Manor Spencer infesté de zombies alors qu'ils n'ont reçu aucune caractérisation ou motivation indépendante. C'est pourquoi il nous a été difficile de leur donner de grands arcs dramatiques. C'est pourquoi pour la suite nous avons décidé de créer de nouveaux personnages avec des motivations appropriées pour l'intrigue dramatique, comme la recherche d'un frère ou d'une intrigue romantique. » Monsieur Kamiya rebondit en nous disant « Les personnages ont aussi beaucoup changé entre la version 1.5 et le véritable Resident Evil 2. Par exemple, il y a Marvin, l'agent de police que vous rencontrez au tout début dans le commissariat. C'est juste un personnage secondaire, mais à l'origine, nous avions prévu de l'utiliser beaucoup plus. Il allait être un personnage de soutien, comme Ada ou Sherry, qui allait travailler avec vous dans le dernier acte du jeu. Ada, d'autre part, était à l'origine une chercheuse et portait une blouse de laboratoire blanche. Elle n'était pas du tout comme l'espionne cool qu'elle est devenue maintenant. » Le magazine demande s'il y avait d'autres anecdotes un petit peu à leur soumettre. Monsieur Sugimura nous dit « L'uniforme de Léon. Léon porte l'uniforme de son service de police de Raccoon dès le début du jeu, mais à l'origine, il était censé commencer en tenue civile. » Et là, je vous le dis, c'est ce qui se passe dans le remake. Et ça, c'est top. Il y aurait eu une scène où il aurait parlé à son supérieur Marvin au poste de police, puis se serait changé en uniforme. Il est vrai qu'avec la destruction de Raccoon City, la police ne serait pas en service actif, donc Léon n'avait vraiment pas besoin de changer de tenue, mais nous voulions montrer sa détermination à protéger à la fois la ville et ses principes, donc en lui faisant porter son uniforme dans un second temps. C'était une scène qui avait beaucoup de sens. Malheureusement, à cause d'un problème avec les cinématiques, nous avons dû la couper. Et ça, c'est top, puisque c'est une scène, donc comme je vous le dis, qui est dans le remake. En tout cas, quand vous commencez dans le remake, hein, c'est pas un gros spoil que je vous donne, Léon n'a pas sa tenue de flic. Enfin, le magazine justement parle de ces scènes qui auraient dû être coupées, et pour revenir à ce Resident Evil 1.5, le magazine se demande si Resident Evil 2, à la base, aurait pu être un tout autre jeu. Donc Monsieur Sugimura nous dit « À l'origine, dans le tout premier scénario du jeu, on était censé commencer par se terrer dans le commissariat qui était assiégé. Cependant, nous voulions transmettre aux joueurs la terreur d'une ville envahie par les zombies. C'est pourquoi nous avons changé l'ouverture par celle, hein, donc, que tout le monde connaît maintenant, où vous êtes entouré de zombies au milieu de la ville. Mais durant le développement, nous avions prévu un autre scénario où il fallait retourner dans la ville. Mais le développement devenait trop long et nous avons dû le couper aussi. » Là, pareil, dans le remake, ils se sont un petit peu fait plaisir. Bref. Monsieur Sugimura nous dit aussi qu'ils avaient pensé dans le scénario à une scène où vous revisitiez le manoir Spencer qui aurait été alors en ruine. Et il pense que beaucoup de joueurs auraient vraiment adoré revoir le manoir Spencer, mais là encore, à part quelques croquis conceptuels, ils n'ont pas pu aller plus loin, malheureusement. Voilà les propos que je voulais vous apporter ce matin pour cette revue de presse rétro. Alors, je pense que c'est toujours intéressant, même si vous n'êtes pas forcément fan de Resident Evil. Mais alors, si vous l'êtes, bien sûr, c'est des anecdotes qui sont assez croustillantes, bien sûr. Mais en tout cas, j'espère que cette revue de presse rétro spéciale Hero 2 vous a plu. Merci mille fois pour votre fidélité et à très très bientôt. Allez, bye bye. Yoshiaki Koizumi, producteur de Super Mario Odyssey, de Captain Toad, de Super Mario 3D Land, 3D World, Super Mario Galaxy 2. Mais avant d'en arriver là, le monsieur, la nouvelle star hein, mise en avant par Nintendo, notamment dans sa communication, ça a été le cas hein, récemment dans le dernier Nintendo Direct, ce monsieur, il y a une dizaine d'années de cela, n'était pas si connu que ça, sauf par les fans hardcore de Nintendo, dont je fais humblement partie, mes chers amis. Pourquoi je vous parle de ce monsieur ? Eh bien tout d'abord, je vous dis bienvenue hein, dans la revue de presse rétro. Revue de presse rétro qui vous est dédiée la 31e pour vous remercier de votre soutien, cher tipeur. Et aujourd'hui donc, j'ai effectivement eu envie de vous parler de monsieur Koizumi qui faisait l'objet d'un dossier dans un numéro de Edge datant de 2008. Alors celui-ci, je n'ai pas eu besoin de le traduire puisque c'était une traduction dans le supplément Edge du Joypad 183. Donc nous sommes en 2008, plus précisément en février 2008. Ce papier est intitulé « L'autre étoile ». Le chapeau nous dit « Miyamoto est à n'en pas douter le game designer le plus exposé aux projecteurs du monde entier. Pourtant, ce n'est pas le seul à briller de mille feux chez Nintendo. Elle est vocation de production telles que Link's Awakening, Super Mario 64, Ocarina of Time, Majora's Mask et Super Mario Sunshine. Quel est le premier nom qui vous vient à l'esprit ?» nous dit cet article. Tout naturellement, vous répondez Shigeru Miyamoto et il est difficile de penser à quelqu'un d'autre. Pourtant, dans l'ombre, un autre homme a largement contribué à l'élaboration de ces titres. Il a d'ailleurs récemment dirigé le développement de Super Mario Galaxy. Son nom, Yoshiaki Koizumi, entré chez Nintendo il y a 16 ans, alors je rappelle que l'article date de 2008, hein, vous ferez votre petit calcul, il a une influence incroyable sur quelques-uns des meilleurs jeux jamais réalisés, et ce, dès ses débuts. Donc Monsieur Koizumi nous dit, je cite, « Avant d'officier en tant que réalisateur sur d'autres jeux, j'ai écrit les scripts de Link's Awakening. J'étais responsable de l'intégralité de l'histoire. Par conséquent, l'idée de l'île dans un rêve, les interactions avec les villageois et le comportement des boss, tout cela vient de moi. J'ai d'ailleurs continué à faire ce genre de travail sur d'autres jeux, malgré mon statut de directeur. » Sur Majora's Mask, par exemple, hein, poursuit Monsieur Koizumi, « j'ai écrit de nombreux événements se déroulant avec les PNJ. Concernant Super Mario Galaxy, je me suis énormément attaché à la création de l'histoire. » Edge nous dit, aussi surprenant que cela puisse paraître, malgré un statut quasiment comparable à celui de Miyamoto chez Nintendo, M. Koizumi se montre particulièrement nerveux lors d'une interview. En fait, il ne commence à se détendre qu'une fois son expérience avec Miyamoto abordée et, en grand gentleman, il attribue volontiers la qualité des hits à ce dernier. Donc M. Koizumi nous dit, à propos de Miyamoto, il est connu pour prendre tout son temps afin de créer la meilleure expérience possible pour le joueur. Il demande énormément de choses, se montre très exigeant, mais c'est ce que j'apprécie chez lui. Il est tellement précis qu'on comprend vite ce qu'il veut. En expliquant cela, M. Koizumi rappelle une anecdote de la conception de Super Mario 64. Pour décrire la manière avec laquelle Mario devait nager, Miyamoto mima avec une excitation le mouvement dans son bureau. M. Koizumi nous explique un petit peu cela. Il nous dit « Je me mis alors à nager avec lui » avant de partir dans un fou rire. D'ailleurs, il précise « Je ne travaille pas uniquement avec lui. Dans l'ensemble, Nintendo prend soin de placer le client au premier plan. Nous passons tous beaucoup de temps à imaginer les réactions possibles des joueurs face aux situations. » En effet, nous dit cet article, ce dossier même, hein, M. Koizumi est focalisé sur l'expérience du joueur. Il nous précise cela, je le cite, « Sur tous les jeux auxquels j'ai participé, je me suis toujours énormément concentré sur le personnage principal. » Et là, Miyamoto a encore une influence, hein, a une influence primordiale. Il nous explique cela, « Il m'a appris que tout ce qui touche le joueur peut affecter l'intégralité du jeu. Prenez Super Mario Bros. Par exemple. Que se serait-il passé si Mario ne pouvait pas sauter? Même le plus faible des Goombas ne pourrait être arrêté. Et le fait qu'on puisse sauter permet de casser des blocs et d'écraser les ennemis. De nombreuses possibilités peuvent donc découler d'une seule aptitude. Bien sûr, cela peut aussi rendre le jeu plus complexe. Chez Nintendo, on appelle cela le design basé sur le joueur. Tout n'est qu'une question entre fun et complexité. Si pour vous, un jeu n'est qu'une chose avec laquelle vous interagissez, vous passez peut-être à côté de l'immersion. C'est mon expérience personnelle dans la vie réelle qui me donne l'inspiration. Faire une randonnée à la montagne par exemple, voir une grotte et imaginer ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est ce genre d'excitation que je désire faire connaître aux joueurs. Donc Edge nous dit que l'articulation entre la surprise et la facilité d'exécution dans l'expérience du joueur est au cœur de la philosophie du développement. Selon Koizumi, je le cite à nouveau, les deux sont importants et forment un tout. Par exemple, si vous êtes en train d'imaginer un univers, vous devez fournir ces deux éléments aux joueurs. Vous pouvez créer un monde dans lequel ils sont surpris du panorama à chacun de leurs pas. Mais en même temps, ils ne doivent pas être perdus. À chaque fois que vous essayez de les surprendre ou de rendre l'environnement difficile ou complexe, vous devez aussi équilibrer avec quelque chose d'instinctif. Si vous voulez que les joueurs ne soient pas perdus, vous pouvez alors inclure une carte. Mais dans les productions Mario, l'un des points les plus importants est le tempo. Dans les premiers épisodes, les niveaux étaient imaginés de sorte qu'un rythme était instauré si vous ne vous arrêtiez pas de courir. Et nous ne voulions pas briser cette harmonie en ajoutant une carte activée via une pause. Et là, un peu plus loin, il nous explique que c'est différent, hein, dans la saga Zelda. Dans la série des Zelda, tout est question d'anticipation, nous dit-il, hein, Monsieur Koizumi. Vous devez réfléchir à ce que vous allez faire après. Chaque salle renferme un challenge différent et parfois vous pouvez même imaginer ce que cela peut être juste en vous basant sur la configuration de chacune d'entre elles par le biais de la carte. Les cartes ne sont pas appropriées au style de Mario, mais elles le sont pour un Zelda. On nous rappelle dans ce dossier que M. Koizumi a aussi dirigé la création de Donkey Kong Jungle Beat, l'un des jeux les plus particuliers de la GameCube, hein, nous rappelle-t-on. Le rythme y est notamment au cœur, hein, au cœur de son concept, à une période où M. Koizumi s'interrogeait sur la nature de la 3D. Il avait pris le parti d'opter pour de la 2D. Il nous explique cela en nous disant « Après avoir travaillé sur des titres tels que Super Mario Sunshine, je me suis demandé s'il était possible de vraiment gérer la surprise et la facilité d'exécution avec des contrôles de caméra toujours plus complexes. Jusqu'à ce que je puisse trouver une solution à cela, j'ai décidé de ne plus faire d'autres épisodes de Mario. J'ai donc fait emménager ma base d'opération à l'EAD Tokyo. Et nous avons décidé de réaliser un jeu d'action 2D en utilisant les bongos. Quand vous vous déplacez rapidement à travers un stage, le tempo musical change selon votre cadence. Et Edge nous dit que même si ça paraît pas évident comme ça, hein, de but en blanc, ce projet, ce Donkey Kong Jungle Beat, est proche en fait de Mario Galaxy sur bien des points. Et vous allez comprendre pourquoi. Monsieur Koizumi nous dit « Jungle Beat est une production remarquable, on peut y prendre du plaisir simplement en regardant quelqu'un s'y essayer. J'en ai déduit que toute la famille devait pouvoir apprécier le jeu. D'ailleurs, nos titres sont souvent joués sur la grande télé dans le salon plutôt que seul dans la chambre. C'est dans cette optique que le mode Co-Star, dans lequel une personne dirige Mario et une autre, le pointeur interagissant avec les environnements a été imaginé, et c'est l'un des aspects de Super Mario Galaxy dont Koizumi est le plus fier, nous dit Edge. Effectivement, dans Super Mario Galaxy, si vous vous souvenez, le deuxième joueur pouvait diriger le petit curseur étoile pour récupérer des cristaux, pour ralentir des ennemis, pour interagir avec l'environnement. C'est vrai que c'était très très sympa. Même si l'intérêt du jeu n'était pas là, bien sûr, c'était comme un petit plus, le petit plus Periglioni, j'ai envie de vous dire, qui faisait plaisir. Edge poursuit en nous disant que si les plus grandes qualités de Mario Galaxy, c'est-à-dire se balader dans des univers sphériques, ne proviennent pas de Jungle Beat, c'est le même problème posé par la caméra 3D qui amena les deux projets à leur résultat final. Monsieur Koizumi nous explique un peu cela en nous disant, je cite, « Nous ne l'avons pas fait car c'était visuellement innovant. Peu importe la taille du terrain de jeu, les joueurs atteindront le bout et devront revenir en arrière, la caméra aussi. Et ça peut désorienter les joueurs. La meilleure chose qu'apportent les mondes sphériques est que l'on peut courir dessus indéfiniment. Il est difficile de s'y perdre et les joueurs n'ont pas à contrôler la caméra. Ainsi, sommes-nous parvenus à résoudre les problèmes de maniement trop ardus ?» Edge se demande s'ils ont pris conscience que ce qu'ils ont créé avec Super Mario Galaxy est quelque chose de véritablement révolutionnaire. Koizumi nous dit « À chaque fois que nous faisons un jeu, que nous touchons à un nouvel élément et commençons à l'étoffer, nous nous disons toujours la même chose. Oh, mais c'est totalement inédit. Et cette excitation grandit au fur et à mesure que nous assemblons tous les nouveaux éléments entre eux. Enfin, parce que là, nous arrivons à la fin du papier, et oui, je suis désolé. Monsieur Koizumi, à ce moment-là, donc nous sommes en 2008, je le rappelle, reste évasif sur ses futurs projets. Une suite à Jungle Beat, nous dit-il, je ne peux pas vraiment parler de ça. Ce qui est sûr, nous dit Edge, c'est qu'il continuera à travailler sur des principes et des fondamentaux aussi bien pensés que ce qu'il a déjà réalisé en termes d'interface et de caméra 3D, au nom d'une meilleure expérience pour le joueur. Donc je le rappelle, hein, là à ce moment-là, les Mario 3D Land, 3D World, Mario Galaxy 2, et surtout pas Super Mario Odyssey, hein, n'étaient sortis bien sûr. Petit rappel, pour terminer quand même cette revue de presse rétro, sur les hits rétro, donc pour nous maintenant, sur lesquels Monsieur Koizumi a besogné, il faut savoir que sur The Legend of Zelda, A Link to the Past, donc ça c'était en 91, hein, c'est le Zelda mythique de la Super Nintendo, ce fut donc le premier projet de Koizumi, hein, nous dit Edge. Son rôle fut de s'occuper du manuel du jeu afin de contribuer au background d'une des séries les plus chéries de Nintendo, bien sûr. Link's Awakening, hein, donc, dont le remake est attendu comme des foufous, comme des soldadas, hein, par tout le monde, hein, et moi le premier. C'est le jeu, nous dit Edge, qu'il considère comme étant son vrai premier projet. Comme pour Link to the Past, il était désigné à l'origine pour écrire le manuel, mais il finit par avoir un rôle bien plus important dans le développement. Super Mario 64, bien sûr, hein, incontournable, 1996. Endossant le rôle d'assistant du directeur, Koizumi fut très impliqué au développement de la caméra de Mario 64. Il souligne d'ailleurs, Monsieur Koizumi, je le cite, « Penser et mettre au point la caméra fait aussi partie du game design. » Hein. Donc, il travailla de sorte d'éviter les écueils récurrents à la 3D, comme la désorientation, par exemple. Donc, le fait que Mario 64 ait été si révolutionnaire sur le fait d'appréhender la 3D, hein, dans le jeu vidéo, je ne vous l'apprends pas, il y a eu un avant et un après, bah, Monsieur Koizumi a quand même une grande part de responsabilité. Ocarina of Time, hein, 2 ans après, toujours assistant du producteur, Monsieur Koizumi travailla à nouveau, hein, sur la caméra, et cette fois-ci sur le fameux Z-Lock, hein, le système de lock avec le bouton Z de la manette, qui est devenu un standard et qui a été maintes fois copié par la suite. Il nous dit, Monsieur Koizumi, à ce propos, il est difficile de manier une épée à moins de pouvoir juger la distance et la direction. Voilà, donc pour lui, sans le lock, c'était Dead de chez Dead, The Legend of Zelda Majora's Mask en 2000, hein, ce Zelda un peu Gaiden, hein, qui a laissé de grands souvenirs à tout le monde, qui est très particulier. Il nous dit « Nous avons essayé de faire un film que vous pouvez toucher avec des rythmes précis, tels que des animaux n'apparaissant que la nuit et d'autres choses allant dans ce sens. » Et le concept fut enrichi donc pour coller parfaitement au cycle nocturne instauré dans Majora's Mask. Super Mario Sunshine en 2002, qui est un petit peu le mal-aimé hein, de la saga Mario. Moi-même, à l'époque, hein, je dois vous dire que le système de caméra m'avait un peu rendu fou. Beaucoup de répétitions. Il reste quand même excellent. Ça reste un Mario, de toute façon. Même un Mario décevant, en tout cas pour l'époque, à mes yeux. Hein, là, je vous parle vraiment d'un point de vue tout à fait personnel. Il est largement au-dessus du panier, hein, voilà, à milieu du jeu de plateforme moyen. Mais c'est vrai que moi, Sunshine m'avait un petit peu déçu, mais j'ai envie de m'y replonger. J'aimerais bien qu'un jour, il y ait un petit remaster, là. Bref, il nous dit sur Mario Sunshine qu'il voulait absolument établir une ville bercée par les rayons du soleil et entourée d'une eau claire. Nous avons essayé, dit-il, de créer un parc d'attractions géant, une île paradisiaque où vous auriez l'impression d'être en vacances. Puis vint donc en 2007 l'immense Mario Galaxy. Il nous dit, à ce propos, « La période séparant Super Mario 64 de Super Mario Galaxy est comme un long voyage dans un film, avec des hauts et des bas. Mais n'imaginez pas que le voyage est terminé, il reste encore de la route à parcourir. » Moi, je vais vous dire, j'ai énormément d'admiration pour Monsieur Koizumi, j'ai une grande affection pour Super Mario 3D World, qui pour moi est l'un des meilleurs Mario de la création et l'un des Mario les plus sous-cotés. Hélas, j'espère qu'une future réédition sur Switch va le remettre vraiment en pleine lumière. Et puis Mario Odyssey, c'est devenu mon Mario préféré, même à égalité avec pour moi l'indétrônable Super Mario World. Je le mets vraiment sur le même niveau, peut-être un millimètre derrière Mario World. Mais vraiment, Mario Odyssey m'a tellement retourné la tête. Je trouve que c'est tellement du génie à chaque recoin. Bref, Monsieur Koizumi n'a pas fini de nous étonner, et donc c'est assez intéressant, c'est assez réjouissant même de le voir mis en avant autant maintenant par la com de Nintendo, car certains l'ignoraient peut-être, mais c'est vrai que ce monsieur a quand même un sacré bagage, a une sacrée expérience au sein de Nintendo, et vraiment ses faits d'armes sont assez impressionnants. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, je ne sais pas à quel moment vous écoutez cette émission, bref, toutes mes bonnes ondes, et encore mille fois merci pour votre soutien. Allez, bye bye. Alors que New Super Mario Bros. 2 est sorti sur 3DS et que deux autres Mario sont prévus pour cet hiver, revenons sur la création de Super Mario 3D Land qui est sorti en novembre 2011. Pour la plupart des gens, ce n'est que le Mario de fin d'année. Pour le marketing et les investisseurs, c'est le jeu qui a fait décoller les ventes de la 3DS. Mais pour l'équipe des développeurs qui a travaillé durant les événements de Fukushima, le jeu possède une autre saveur. Kiyoshi Hayashida travaille sur la série Mario depuis un bon bout de temps. Bien qu'il ait été officiellement crédité pour la première fois en tant que programmeur de Super Mario Sunshine, il a participé au développement de nombreux titres de cette licence. Son implication avec Nintendo commence en 1992 lorsqu'il rencontre plusieurs cadres de la société au Nintendo Game Seminar, manifestation financée par l'entreprise permettant aux jeunes talents de la programmation de rencontrer directement les développeurs. Aujourd'hui, M. Hayashida est devenu l'un des cadres de la branche de Tokyo EAD de Nintendo et, chose amusante, il fait à son tour partie des intervenants au NGS. Lors de son intervention à la Games Developer Conference de mars 2012, M. Hayashida ne s'est guère attardé sur son passé, sinon pour rappeler quelques-uns de ses postes sur divers Mario, Level Director sur Super Mario Galaxy, Director sur Galaxy 2 et, plus récemment, Director sur Super Mario 3D Land. C'est sur ce dernier qu'Hayashida a centré son discours. En tant que l'une des sorties les plus importantes de Nintendo pour la 3DS en 2011, ce jeu a dopé les ventes jusqu'alors léthargiques de la console et a été plutôt bien accueilli par la critique ainsi que par le public. Hayashida a débuté en évoquant les idées qu'avait élaborées l'équipe lors de la pré-production. Il a montré des croquis d'un Mario terrifiant, des guingandés et d'un Mario faisant du skate avec une carapace de tortue. L'utilisation physique de la 3DS a été envisagée. On aurait pu la refermer pour écraser des cafards ou prendre une photo de sa copine pour en faire le visage de la princesse Peach. Aucune n'a été retenue pour le jeu, mais cela montre le genre d'idées déjantées qui fusaient fréquemment. L'équipe a dû relever des défis intéressants pour ce premier Mario original sur 3DS. Il a fallu revoir les placements de caméra en fonction des effets visuels de la 3D et tenir compte également des placements des objets. Monsieur Hayashida a voulu tenter des essais avec des angles et des vues inédits dans un Mario, ce qui a conduit au désormais célèbre niveau hommage à Zelda avec sa vue du dessus. L'équipe ne voulait pas trop au départ que le jeu soit trop difficile afin d'y amener des joueurs nouveaux ou partis ailleurs. ailleurs. Shigeru Miyamoto avait d'ailleurs insisté sur l'importance que les joueurs s'amusent comme bon leur semble. Dans cette optique, les développeurs ont ajouté des éléments tels que les blocs spéciaux qui dotent le participant de super pouvoirs s'il ne parvient pas à se sortir d'un niveau. Hayashida avait par ailleurs une raison toute personnelle d'aller dans ce sens. Plus jeune, il avait galéré pour terminer Super Mario Bros. 1 et Super Mario Bros. 2 et voulait faciliter la tâche des nouveaux joueurs. La majorité d'entre eux pourraient arriver à la fin normale sans trop de difficultés. Dans le même temps, ceux qui voudraient plus de challenge pourraient chercher à collectionner les médailles et débloquer plus de zones difficiles parmi 8 mondes spéciaux. Entre-temps, pendant le développement, le séisme que l'on sait a frappé le Japon, à Tohoku. Et Hayashida s'est dit, je cite, « Nous y voilà, je pourrais mourir ici. » Par chance, Tokyo n'a pas été touché aussi durement que d'autres régions, mais les bureaux de AD sont restés fermés un bon moment. Durant cette période, l'homme a été pris par le découragement. D'une part, à cause du précieux temps perdu pour le développement, mais surtout, les destructions et les pertes humaines l'ont amené à s'interroger sur son travail. Il est finalement arrivé à cette conclusion, qu'il a transmise à son équipe, je cite, « Nous nous demandons tous ce que nous pouvons faire pour aider, tout de suite. Je pense que redonner le sourire aux gens avec un jeu amusant à la fin de l'année est peut-être quelque chose que nous pouvons faire. » Pour autant, il ne se sentait pas à l'aise. Pourrait-il instiller de la légèreté à un jeu Mario dans des conditions si oppressantes? Il demanda peu après à un membre de son équipe pourquoi il travaillait chez Nintendo. Ce dernier répondit « Parce que c'est marrant de faire des jeux. » Cette simple affirmation lui a rappelé son travail sur son premier jeu, Joy Mech Fight sur Famicom sorti en 1993. Faire des jeux était marrant en soi, il fallait donc en priorité diriger vers le jeu la créativité et le plaisir collectif de l'équipe. Et il a organisé des activités afin de resserrer les liens entre les développeurs. Photos de groupe, sessions hebdomadaires de playtest, au cours desquelles les designers jouaient ensemble, tout en donnant leur avis. Ces sessions se révélèrent très fun, rappelant aux développeurs l'époque où ils passaient des journées à essayer de battre des jeux avec leurs amis. Au bout du compte, l'équipe développa une philosophie, transmise par M. Miyamoto, qui présida à la création du jeu, Enjoy Everything. Après la sortie du titre, l'équipe reçut une lettre d'un joueur, une lettre qui disait, je cite, « Ce jeu a été une lumière qui a finalement brillé dans ce qui a été un moment si triste. J'ai eu l'impression qu'il m'avait donné la force de continuer à vivre. Ça ressemble à un miracle. Il m'a aidé à retrouver des sentiments purs d'un temps plus innocent. Je tiens à remercier l'équipe de développement. » En guise de conclusion, lors de sa conférence, M. Hayashida a dit « Allons de l'avant et apprécions ce que nous faisons. » Cet article, que moi je trouve bouleversant, j'ai beau le relire, il m'émeut toujours autant, est tiré d'un IG Magazine datant de 2012, le numéro 22 plus exactement. Alors ceux qui me suivent un petit peu savent que j'ai fait partie des rédacteurs réguliers de ce magazine, et je me souviens très bien qu'à l'époque, quand je recevais le magazine à la maison pour découvrir ce qu'avaient fait mes camarades de l'équipe à l'intérieur, je fus littéralement vraiment saisi par cet article signé Heidi Camps. Je n'avais pas manqué de la féliciter d'ailleurs à l'époque pour cet article qui m'avait profondément ému et j'avais vraiment envie depuis très longtemps, depuis que la revue de presse rétro existe, de vous en parler. Et je me suis dit que là, c'était le moment. Avant de nous quitter, j'aimerais malgré tout vous préciser un petit peu plus maintenant le CV qui s'est actualisé depuis de M. Hayashida. Donc comme il est dit dans l'article, M. Hayashida a commencé avec Joy Mech Fight sur Famicom dans lequel il a été le directeur du jeu ainsi que le programmeur. Il a été le programmeur principal de Super Mario Sunshine en 2002, assistant directeur sur Donkey Kong Jungle Beat, level design director sur Super Mario Galaxy et director sur Galaxy 2, director sur 3D Land, director sur 3D World, director sur les deux NES Remix, producer sur Ultimate NES Remix, producer sur Captain Toad et producer sur Super Mario Odyssey. Autrement dit, cette personne n'est pas encore très médiatisée, mais nul doute que les années qui viennent risquent de le mettre d'autant plus en avant, un petit peu comme Monsieur Koizumi, le Monsieur Mario déjà depuis grosso modo Super Mario Galaxy, qui à l'époque n'était connu que des fans de Nintendo et qui maintenant a un nom un petit peu plus connu que cela. C'est un monsieur hyper talentueux, car je ne le répéterai jamais assez, Super Mario 3D World, sorti sur Wii U, qui pour moi est beaucoup mieux que 3D Land, est un Mario, j'ose le dire, et je l'ai toujours crié haut et fort, est un Mario majeur, c'est l'un de mes Mario préférés, dans la catégorie des Mario, entre guillemets, linéaires, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie des Mario bac à sable, dont le dernier représentant illustre est Super Mario Odyssey, 3D World est vraiment l'un des meilleurs Mario linéaires, c'est-à-dire avec une succession de stages, où il faut aller d'un point A à un point B, Mario 3D World a 10 000 idées à la seconde, et en ce sens, il est vraiment dans la lignée, je trouve, de Mario Galaxy. C'est un Mario qui a été considéré, y compris par une partie de la presse, comme un Mario un petit peu de seconde zone, le Mario en attendant le retour d'un vrai Mario 3D, un petit peu, ce qui est expliqué parfaitement dans l'article, un petit peu comme en a été victime aussi 3D Land, mais 3D World est vraiment un grand Mario, et j'ai hâte qu'il ressorte sur Switch pour que tout le monde découvre enfin quel grand jeu il est, quel grand Mario il est. Son level design est exceptionnel. Il est truffé d'idées fabuleuses. Moi, il est vraiment dans mon top 5 de mes Mario préférés. Alors, ceux qui me suivent un petit peu depuis quelques temps doivent avoir l'impression, et ils auront raison, que je radote. Mais voilà, Mario 3D World, si vous avez l'occasion de choper une Wii U et quelques jeux pas très chers, dont Super Mario 3D World, foncez, c'est un pur bonheur. Cette revue de presse rétro est un petit peu plus courte donc ce matin, puisque cet article n'est pas très long, mais voilà, je m'étais dit, je vais me lancer, ça fait maintenant quelques temps que la revue de presse rétro existe, ça fait de nombreux mois, et je me suis dit que vous accepteriez éventuellement que voilà, cette revue de presse fasse 5 voire 10 minutes de moins que d'habitude. Mais il était vraiment important, j'avais vraiment envie d'inscrire cet article dans la collection des revues de presse rétro. Et voilà, j'espère que ce best-of vous a plu. Alors, il y avait beaucoup de choses, hein. Effectivement, dans certains épisodes, on me sentait peut-être un peu moins à l'aise, puisqu'il y a des revues de presse rétro qui datent maintenant d'il y a pas mal de temps. Non pas que maintenant ce soit la perfection absolue, mais enfin, je pense avoir gagné un petit peu d'aisance quand même, après 2 ans. J'espère donc que ce gros contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager en masse, à faire connaître l'émission, qui, je le rappelle, donc va recommencer vraiment le 2 septembre. Nouvelle formule hebdomadaire, j'ai vraiment... c'est un mélange, en fait, pour tout vous dire, d'excitation et de trac aussi, parce que je tracouille un petit peu sur l'accueil que vous allez lui réserver. Je vous ai préparé des super nouvelles rubriques. Vous le savez, il y a le retour des brochettes de news, des sujets qui sont incontournables dans l'actu et d'autres qui sont un peu moins relayés. Vivement qu'on se retrouve, mes chers amis, le 2 septembre. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a du best-of. Je vous souhaite la bonne journée. Ça fait longtemps que je ne vous l'avais point dit, mais je vous souhaite panache et robustesse. Voilà, pour les jours à venir, je vous fais un gros béco. Et je vous dis à très bientôt pour ainsi dire, à tantôt, bye bye.